Marcher comme ça silencieusement à travers la forêt qui s'étendait après Moonlooter, jusqu'à arriver au niveau de la fameuse forteresse. Vous la voyez apparaître au loin. Et en effet, c'est assez étrange comme spectacle. On a l'impression qu'elle est construite au niveau du flanc d'une montagne. C'est vrai qu'au final, pour eux, aucune attaque ne peut venir du nord sans qu'ils ne le sachent. Alors, c'est sans doute un des emplacements les plus stratégiques dans le coin. Ils ont dû réutiliser une ancienne forteresse ou un ancien village et le réajuster à leurs attentes. Et en effet, de votre côté, Torik et Mokosh, vous voyez que c'est pas du tout ce à quoi on aurait pu s'attendre, puisque les apocalyptiques sont maîtres dans l'art de vivre et de d'imprégner des villes, d'en prendre possession de l'intérieur. Là, tout se limite à cette unique forteresse. Au moment où vous approchez, vous commencez à voir quelques personnes déambuler au niveau des murailles. Tous des apocalyptiques. Tous, comme toi, Ada, des petits, on va dire, des barons au sein de ce groupe. Et puis, vous arrivez face. Vous arrivez, pardon, au niveau de la porte principale. Au niveau de ce mur où la végétation a repris ses droits, vous avez plusieurs hommes qui montent la garde. Un ancien helvétique, un anabaptiste et un apocalyptique. Salut, vous. Attendez, ce serait pas. Si, j'ai un cadeau à faire. Ok. Bien joué. Merci. Et sur ce, il vous laisse rentrer. Tu Moi, vois, je, toi, t'es là en train de les pointer de là. Je fais un peu la résistance. C'est celui D'accord, ouais. qui se démène un peu pour. Je te pousse un peu avec le bout de ça. Tu fais mine de résister. Tu vois Ada qui te pousse et qui te recolle à nouveau son fusil au niveau du visage. Qu'il est prêt à exploser. Enfoiré. D'une seconde à l'autre. Dans ce camp, vous voyez tous les gens qui vous regardent. Mais étonnamment, en tout cas pour l'instant, ceux qui font partie du petit camp, ils n'ont pas spécialement l'air de vous en vouloir. Tous semblent intrigués de votre présence ici, mais on ressent pas cette haine envers les hospitaliers. Pas celle qu'on décrivait en tout cas. Malgré tout, vous entendrez quand même quelques remarques par-ci par-là, à votre encontre, des insultes notamment. Vous traversez la vieille forteresse. Globalement, c'est juste des bâtiments gris avec des gens qui déambulent, des soldats tous armés. Vous entendez les bruits d'une forge et puis vous sentez aussi des odeurs en provenance de la cuisine. Il fait quand même assez froid, même si il neige pas. Et puis vous allez traverser cette forteresse jusqu'à arriver au niveau du flanc de la montagne. Cette montagne qui doit faire une dizaine de mètres de haut. Enfin, une dizaine, pardon, centaine de mètres de haut. La forteresse en trouve vraiment au niveau du pied. Toi, Ada, tu sais à peu près que c'est ici la limite que normalement tu ne peux pas franchir. Vous avez des hommes qui gardent l'entrée de la grotte avec une espèce de grande porte en métal. Oui, vous voulez ? J'ai un cadeau à faire. Et bon, je les indique, tu sais, du bout de la tête. Je pense que vous comprenez rapidement. Oh. Ok. Le phénix n'est pas disponible pour l'instant, mais... si vous voulez repasser d'ici une petite heure... En attendant, n'hésitez pas à accrocher vos compagnons au niveau de l'écurie, là. Ouais. Je vais faire ça. On les surveillera pour vous. Alors, sans transiger, tu les accompagnes au niveau de l'écurie. Tu fais mine de les accrocher à l'un des poteaux. Et vous, vous vous retrouvez là, dans la merde de cheval. Pour l'instant, je reste avec eux. Très bien. C'est bon. J'attache. Ensuite, tu vois l'une des personnes avec qui t'es déjà en partie en mission qui passe. Hé, hey, Ada, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai réussi une des missions qui a été donnée par le Phoenix. Du coup, je rentre. Ouais, parce que t'es parti comme ça, sans crier gare. On se demandait où. je travaille mieux en solo. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, t'as vraiment réussi à les choper. Ouais. C'était pas si dur que ça. Alors là, ouais. Putain, je dois avouer, bien joué pour toi, hein, mon gars. Si avec ça, t'arrives pas à intégrer leur haute société. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à se racler la gorge et à te cracher au visage, Mokosh. Et puis il s'en va tout souriant. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais. Ce gars-là, t'as déjà fait quelques missions avec lui. C'est un ancien juge, un rouquin, mais qui a jamais dépassé les premiers rangs. Alors, tu sens, tu sais, c'est le mec qui les avait rejoints parce qu'il avait une espèce de complexe de supériorité. Mais malheureusement, il y avait trop de trucs à apprendre, il fallait connaître les lois, alors il a décidé de rejoindre la nouvelle nuit du Phénix au Nord. Puis là, vous allez attendre comme ça dans le camp, dans le froid, pendant une petite heure, jusqu'à ce qu'on vous appelle enfin. Moi, je suis resté avec eux, mais pas forcément genre avec eux, genre en mode ami, tu sais, en mode un peu, je les surveille. Oui, bien sûr. Ouais. Dans tous les cas, la base, là, vous l'avez déjà traversée. Et ils n'auraient pas vraiment théoriquement moyen de s'enfuir. À part en se jetant peut-être du haut des murailles. Ouais, mais genre, moi, comment je vois, genre, c'est genre, oui, si on me demande pourquoi je reste avec eux. Évidemment, genre, je le fais comme si c'était mon bulletin, tu vois. Genre, ouais. J'ai peur que, genre, si, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est pas vraiment le cas. Genre, tu sais que si je me casse, qu'un autre essaie de... Oui, oui, mais en soi, ça pourrait... c'est parfaitement compréhensif. Et tu vois, non, ça n'a pas l'air bizarre. Ok, c'est ça. Te demander pour voir la crédibilité de ce qui est en train de se passer. Un G, je pense, de charisme expression. Ok, alors bouge pas. Et tu vas pouvoir jeter un dé supplémentaire suite aux fausses blessures que tu leur as appliquées. Bon bah, réussite vraiment vraiment pas incroyable, parce que j'ai fait que deux réussites, c'est un déclencheur. Très bien. Tu vois, ah oui, en effet, peut-être que tout n'est pas parfait. Le fait par exemple que tu sois seul à avoir réussi à les maîtriser tous les deux pourrait paraître suspect. Mais malgré tout, peut-être d'ailleurs lié au fait que tu l'aurais infligé de fausses blessures, ça a l'air de passer. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dans ces conditions? Alors finalement, on vous appelle. Puis vous suivez un homme dans les couloirs. Enfin, vous rentrez au sein même de la montagne. Vous déambulez dans de vieux couloirs très poussiéreux. Et très vite, vous commencez à être témoin de certains détails plutôt perturbants. Et je vais vous demander chacun un jet de perception, instinct perception. 2 succès de déclencheur. Ça me change tellement d'habits. Moi j'ai fait qu'un seul succès, aucun déclencheur. Ah, j'étais concerné, j'ai pas entendu. Oh oui. Ça jette quoi? Instinct perception. Ok. Trois réussites dans un déclencheur. Très bien. Toi, Mokosh, t'es la seule à remarquer ce détail. Je vais te l'envoyer d'ailleurs en MP. Alors. Eh, mais attends, c'est le scénario. tu vois Abby debout dans la grotte. Ce détail, c'est un détail, mais. C'est ça. Et je te demande, c'est genre Touri qui la voit pas, tu sais, elle est en face de toi et puis elle est en mode. Mais toi, Touri, arrête-toi, tu lui marches dessus. Je suis l'esprit d'Abby. Je ne suis visible que par toi. Ouais, voilà. Tu es la seule qui peut me voir. Il faut que je te dise pardonne à tous ceux qui m'ont tué. Et arrête la brûlure, c'est pas bon pour ta santé. Et c'est comme ça que. Et c'est ça que Sato comprend. Oh mon dieu, mais c'était pas vraiment Abby, elle aurait jamais dit ça. Les hospitaliers ont raison. C'est ça. Je m'en rends pas compte et je deviens hospitalier. Oh merde. Tu sais, en fait, les fameux trucs là irritants, ça c'est pas genre juste un élément chimique qui vit au sol, tu vois. Ils utilisent ça pour faire de la propagande. C'est un convertisseur d'âme. Du coup, en fait, ça te fait des hallucinations et tu finis par te ranger chez l'hospitalier. C'est ça. Et c'est ainsi que Mokosh vient à l'hospitalière. Et je brûle toutes les paroles. Et tu brûles toute la borka. Voilà, du coup, je l'ai envoyé. Donc, okay. Je rappelle, tu peux tenter d'en parler aux autres. Mais du coup, voilà, vous êtes escorté par plusieurs hommes. Ouais, non, on va quand même. Je ne dis rien. Très bien. Vous marchez donc ainsi jusqu'à une grande salle. À l'intérieur. Trouve plusieurs bancs. C'est une espèce de grande salle ronde avec des escaliers qui mènent vers une espèce de pas de scène mais de trône, on va dire. Un fauteuil qui a été placé là. Et dessus se trouve le phénix. Vous voyez cette silhouette de femme et ce masque pour recouvrir son visage. Juste derrière elle se trouve une porte qui doit mener à un endroit quelconque. Et moi, de la même manière que quand on est rentré dans la forteresse, je tire un peu sur. Très bien. Ouais. Sur les. Comment je me dé. Enfin, jouer le jeu du prix. Ouais, voilà. Je suis en salaud. C'est vous qui l'avez tué, salaud. Jeu d'acteur sur moi. Ah bah écoute, on n'est pas censé être. Voilà. Et en même temps, je le pense. je veux pas. Au moment où on vous fait rentrer dans la salle, on vous force à vous agenouiller en dessous du trône. Je sais pas si c'est clair ma description. Je vais peut-être vous faire un rapide croquis. Il y a un trône surélevé. Exactement, oui. Voilà. Et nous, on est en bas des marches. C'est ça. Moi, ça me semble clair. Okay. C'est ça, ouais. Vu qu'il va y avoir une scène de combat, ça, ça sera le nombre exactement de personnes que je voudrais savoir. Très bien, évidemment. C'est un peu important. Voilà. Ils sont 70. Pas prendre croquis ou. Mais quand même, ça prend vraiment 30 secondes, même pas faire, mais... Bah à la limite, si tu fais juste des points pour savoir à peu près, tu sais, où sont les gens et comment je peux m'organiser, parce que c'est moi qui vais lancer l'offensive. Pour donner l'importance de la scène, je pense que ça peut... Ouais, parce que le truc, c'est que genre, si je commence à lancer une arme, en fait, qu'il y a un mec au milieu qui peut la ramasser... Bon. Oui, c'est ça. Exactement. C'est Adam, en fait, c'est un gros trait, il donne toutes les armes aux autres. Ah bah... Tu voulais savoir qui as-tu habillé ? C'est moi ! J'étais là depuis le début. Très, okay. C'est des couloirs, les rectangles. Alors les gros rectangles en bas et en haut, c'est les couloirs. Ok. Les espèces de petits rectangles au niveau des coins rouges, c'est les bancs. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et les escaliers et le truc qui entoure la croix rouge du haut, c'est le trône. Oui, c'est le trône. Okay. Du coup, ils sont 7 et on est 3. C'est ça. Ok, donc sachez, genre. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il y a 3 crocs ? On est 4 ? Ah non, j'ai oublié que le camp est mort. Ok. C'est triste. Du coup, vous vous trouvez dans cette situation. Même si, du coup, pour eux, ils sont 8 et vous êtes 2 et attachés. Des armes. Ada, c'est bien ça ? C'est la personne au masque qui s'adresse. C'est ça. Je me rappelle de toi. Lorsque tu es arrivé, il y a de ça... presque un peu plus d'un mois déjà. 2 ou peut-être 3 même. Ça fait 2 mois et 2 semaines. Très bien. Alors... Parce que je vois, tu m'apportes là de quoi satisfaire amplement mes attentes. Oui. Vous là, hospitalier, comment vous appelez-vous ? Réponds ! Oui. Torik. Oui, c'est bien lui. Qui êtes-vous ? Et pourquoi avez-vous tué Abby ? Non, je ne sais pas qui vous êtes. Vous vous cachez derrière votre masque. Montrez-nous votre visage. Quel intérêt ? Je veux voir le visage de celui qui va me tuer. Puisque c'est ce que vous allez faire, non ? Vous et vos soldats de... barbares. Oh, nous allons faire bien plus que cela. Et cessez de jouer les idiots, vous savez très bien qui je suis. Vous m'aviez dit que tout allait bien. Vous m'aviez dit que vous deviez juste vérifier qu'elle ne soit pas malade. C'est la dernière chose que vous m'ayez dite. Donc, heureusement pour moi. Je dis. Oui. Heureusement pour moi, après votre passage, j'ai pu être sauvé. Nous ne pouvions lui laisser la vie sauve. Vous savez très bien ce qu'il en coûte et que probablement il y aurait d'autant plus de morts par la suite à Monotaire et bien plus encore par la suite. Je me doutais que vous diriez ça. Et vous le savez très bien. quand votre fille était encore bien jeune, et bien elle n'était pas encore sous l'emprise de sa mutation, mais vous savez très bien que en grandissant, elle aurait perdu tout contrôle et aurait probablement été complètement incontrôlable et aurait tué tout le monde et bien plus. Ça aurait pu s'étendre dans des zones encore plus grandes. Elle vous aurait tué aussi. Parce que vous aviez l'intention de me laisser en vie. Moi j'avais l'intention de laisser tout le monde en vie, mais on m'a pas écouté. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Et je ne pouvais décemment pas vous dire que votre fille allait être tuée. Je sais très bien que vous seriez parti et qu'on aurait jamais pu vous retrouver jusqu'à ce qu'elle soit en âge de tuer tout le monde. À ce moment-là, la porte derrière elle s'ouvre. Et vous voyez la silhouette d'un apocalyptique qui apparaît. Il semble faire partie de ces soldats principaux. Ceux qui sont justement différents. C'est vrai qu'Ada, avec du recul, ce genre de personnes, ils vous prenaient toujours un peu de haut. Déjà, vous les voyez pas très souvent, mais en plus, ils vous parlaient jamais, ils répondaient pas à vos questions. Et là, pour l'une de première fois de ta vie, tu vois l'un d'entre eux commencer à s'adresser à l'oreille de la fille du phénix. Elle lui répond, vous êtes trop loin pour comprendre ce qu'elle lui dit. Mais il repart, en fermant la porte. Très bien. Alors, on va pouvoir vous confronter désormais. C'est marrant. Au début, je pensais que vous me supplierez, oula, me supplieriez de vous laisser en vie. Bon, j'ai croisé des Jamaitan qui faisaient plus peur que ça. Ah oui. Je tiens à dire que j'ai rigolé RP. Alors RP, mais je rigole RP. Ah, tu rigoles RP ? Oui. Je sens qu'il faut prendre le dessus, donc je fais exprès de lancer une provoque. Même si c'était drôle au RP aussi. Tu vois d'un coup, elle s'arrête dans son dialogue, en effet, elle te regarde. Il y a une espèce de petit blanc qui commence à arriver dans la scène. C'est étrange que d'un seul coup, comme ça, l'un des leurs se mette à ouvertement se moquer de leur chef avec les otages. Je peux savoir pourquoi vous faites tout ça ? Je veux dire, monter toute cette organisation, ça vous sert à rien, je veux dire, c'était facile de nous choper. Pendant qu'il part, si jamais ça détourne son attention, je commence discrètement, moi, à descendre petit à petit le sac d'armes. Discrètement, hein, pas d'un geste brusque pour que tout le monde me voit, mais tu sais, petit à petit le préparer. Au début, tu commences à le poser, comme si simplement le fait de le porter te faisait trop mal au dos, tu vois, c'est en soi rien d'étrange en effet. D'ailleurs, en plus, il est plutôt lourd, étant donné qu'il a là plusieurs kilos quand même. Tu vois, pour l'instant, là, Mokosh discute avec leur chef. Si je fais tout ça, c'est pas pour vous choper, vous êtes juste un. Un supplément, un bonus, c'est tout. Mais bon, ce qui est en train de se passer me fait pas autant plaisir que ce que je le pensais. Tuez-les. Alors comme ça, d'un coup. Bah du coup, on m'a dit ça. bah moi, j'ai un fusil chargé. Mm. Et je vais tirer du coup sur le, bah, le plus proche de moi pour, tu sais, créer une, un fouillis et après pouvoir balancer les armes dans la mêlée, quoi. Ok, je très sais pas bien. Si je peux profiter de l'effet surprise pour éviter de devoir jeter une initiative, mais si c'est possible, j'aimerais bien, genre, on va tuer, bam, je tire sur le premier qui est proche de moi, et je profite en fait du ça sur le carnage pour commencer à balancer les armes. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais simplement demander un jet de réactivité avec une difficulté de 4. Ok, je vais voir. Réactivité. C'est réaction ? Yes. Bah, c'est impossible parce qu'il a rien. Comment ça ? Bah, il a rien en réaction, il a que 2 en psyché, je peux pas faire 4 avec 2 dés. Ah bah, j'ai 2 dés dans ce cas-là. Mais du coup, non, en effet, ton personnage n'a pas assez de réflexes pour. Donne-moi quand même ton résultat, on sait jamais sur 2 déclencheurs. Hein. Bah, j'ai fait 2-5. Ok, très bien. Alors, tu vois, non, en effet, tu n'as pas le temps d'agir. Tu n'auras pas le temps de tirer également de distribuer les armes. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Je te laisse choisir. Putain, ça m'énerve ce push to talk. Mieux vaut. Bah, du coup, distribuer les armes. Parce que c'est quand même mieux qu'ils ont une chance de survie que je les laisse se battre à main. Ok. Vous voyez Ada qui commence à jeter le sac au sol. Vous pouvez du coup en profiter, Torik et Mokosh, pour récupérer vos armes si vous le souhaitez. Oui, je pense que c'est ça. Ah bah oui. Très bien, donnez-moi du coup une arme de votre choix que vous souhaitez attraper. Bah là, mon dilacérateur de toute façon. Mon dilacérateur. Espadon pour moi. Très bien, espadon pour Mokosh. Vous équipez chacun de vos armes. De leur côté, vous les voyez qui commencent à sortir de leur côté également leurs armes. Et leur chef qui, elle, se dirige vers la porte à l'arrière, la porte qui s'était ouverte tout à l'heure. Et qui l'ouvre. On va donc pouvoir procéder à un splendide jet d'initiative. Mokosh, tu peux donc commencer et tu as le droit à une action. Bah, je vais attaquer le plus proche, j'imagine. Très bien, tu attaques le soldat le plus proche. Une préférence au niveau des lettres, A, B, C, D, E, F, G. Ouais. Alors attends. Voir également en dernière cible, il y a leur chef, même si pour l'instant elle est en train de jouer. Puisqu'elle s'apprête à aller. Enfin, plus qu'elle est en train d'ouvrir la porte. Arrière. Oui, c'est vrai qu'on a distance égale d'un peu tout le monde. bon, on va dire le F. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, je laisse. Alors, F qui va choisir. De se défendre activement. D'accord. Je vais donc faire un test donc, de force plus mêlée. Enfin, de physique mêlée avec un bonus, le nombre de points d'égo que tu dépenses. J'ai fait. 2 réussites, dont un déclencheur. C'est avec force ou mêlée déjà ? Mêlée. Mêlée, ok. Cinq réussites, dont 2 déclencheurs. Ça fait aussi dans le déclencheur. Ouais. Ok, très bien, ça passe largement. Et on va en profiter pour aller checker un petit peu la fiche d'habit pour voir combien de dégâts fait. De Mokosh, pardon. Putain, j'ai entendu Gabi, j'étais trop déstabilisé. Je ouais, force. Tu fais donc 8 dégâts plus ta force divisée par 3. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisé par 3, 2. Tu fais 10 dégâts plus ton nombre de déclencheurs qui est actuellement de 2, c'est ça? Oui. Très bien, donc tu fais donc 12 points de dégâts. étant donné que tu as fait deux déclencheurs, ton choc ne s'active pas. Enfin, contrairement, si justement tu l'actives, et donc tu pourras réattaquer immédiatement au prochain tour, à ta prochaine action. Bien. On en profite pour passer l'armure qui le protège. 1 et fait que F a déjà perdu 10 points de vie. Très bien. Pour vous décrire ça simplement, Mokosh, au moment où toi tu t'empares de ton espadon, tu te diriges vers le mec le plus proche de toi et tu lui enchaînes un énorme coup. Le mec, c'est quasiment, si tu l'ouvres en deux, tu vois déjà le sang qui commence à gicler au niveau des murs pendant que l'autre est en train de d'ouvrir la porte. Et c'est une surprise complète hein, de niveau de leur côté, parce qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce qui est en train de se passer. Votre souci de la mise en scène a porté ses fruits. Malheureusement pour toi, tu te fais immédiatement attaquer par un mec qui se trouvait juste à côté et qui vient défendre son pote. J'ai fait deux réussites. Ta défense passive est de 2. Donc l'attaque rate. Heureusement pour toi, tu arrives à esquiver. Mais immédiatement après, l'homme que tu viens de blesser, lui, ne joue pas parce qu'il a défendu. Donc c'est à toi, Toric. Du coup. Un homme vient d'attaquer Mojkosh, il a raté, mais elle a blessé l'un des leurs. Tu peux tenter soit de le finir, soit d'attaquer une nouvelle cible. Ou éventuellement, il va également attaquer leur chef. Je précise aussi que la porte qui est derrière vous, donc celle par laquelle vous venez, est fermée. Même s'il y a sans doute moyen. Je vais attaquer. Est-ce que quand je regarde les gars, ils ont tous les mêmes armes? Oui. C'est clairement, tu vois que c'est leur armée d'élite, enfin leur régiment d'élite, puisqu'ils sont tous armés des mêmes armes, qui possèdent tous les mêmes tenues. Et il y a seulement leur gabarit corporel qui change. D'accord, du coup, je vais attaquer celui qui attaque Mokosh. L'autre, en fait, celui qui, celui qui s'est pris 10 points de dégâts, il est quand même vachement entamé, non? Oui, tu vois le mec qui s'est quasiment fait ouvrir en deux. La lame l'a mal transpercé, mais au niveau de son torse, ça saigne abondamment. Tu veux tenter de le planter pour finir? Non, je vais pas attaquer celui qui s'est pris des dégâts, mais celui s'est rapproché de Mokosh et qui a essayé de le taper, en fait. De taper Mokosh. Il y a bien quelqu'un qui a essayé de l'attaquer qui a pas réussi. Ah d'accord, je comprenais, je vais taper Mokosh. Mais non. T'as légèrement les trahisons à la dernière session. Là, ouais, c'est la trahison de... je m'appelle Pat. Depuis le début, je t'aimais pas. On m'appelle Pat de mon surnom. Oh merde. J'ai senti comme un. Du coup, donc... du sel. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, alors moi, je prends mon dilacérateur. Donc, mon dilacérateur. Donc, c'est body melee, c'est ça, hein? Exactement. Et je rajoute les 3 dés. Enfin, les 3 d'ego. Exactement. Donc, ça me fait. J'ai oublié de rajouter mon ego, moi. Faut que j'y pense. Oh là là, les égos, c'est pour tout le combat. Vas-y, relance 3 dés supplémentaires. Tu fais des déclencheurs, ça fera des dégâts. Non, c'est pour un seul. C'est le premier G en fait. Oui. Ah. Mokosh, relance. J'ai Mokosh rapidement là, vas-y. Rejette tes dés en plus. De quoi, moi? Oui, t'étais obligé. Oui, de toi, Mokosh, lance 3 dés. Non, 2, j'en ai utilisé 2. Une réussite en plus. D'accord, mais pas de déclencheur? Non. Donc ça ne change rien. À toi, Doric. Ok. Alors, j'ai 8 dés à lancer. Oh punaise. Alors, pour vous expliquer, là, ce que j'ai pour l'instant en face de moi, c'est 3 réussites, dont un déclencheur et 3-1. Et il me reste un dé à lancer. Donc surtout pas un, hein, s'il vous plaît. Ouf, c'est un 4. Donc ça me fait 4 réussites, 4 réussites un déclencheur. Très bien. Donc tu attaques A, qui lui du coup est en défense passive. Donc ton attaque passe. Ouais. Ton personnage fait 4 plus sa force divisé par 3 dégâts. Ah mince, par contre, oh, dans... Ok, bon, c'est pas grave, on y repensera la prochaine fois. T'as un malus de 2D à ton lancer. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais les armes. Et du coup, en fait, d'ailleurs, je pense que mon coach en a oublié aussi, mais du coup, au final, ça aurait rétabli. Pourquoi Pourquoi on a un malus? Ton arme est simplement le dilacérateur est difficile à manier. Ce qui fait que certaines armes, surtout les armes lourdes et les armes longues, sont plus. Te donnent des malus. Ah oui, j'ai un dé de handling, voilà, c'est ça fois, bon, un dé. Comme ça, je pense, pour chaque personnage, des dés qu'il doit lancer, des dégâts qu'il fait. Ça nous est très de retour calculé à chaque fois. D'accord. Ok. Mais c'est pas grave, pour cette fois-ci, je te la compte, c'est cadeau. D'accord. Merci. C'est à moi d'y porter en priorité. Du coup, ta force, tes dégâts sont de 4 plus ta force divisée par 3, 5, 5 divisé par 3, on va arrondir à 2, plus 4, 6, plus t'as fait combien de déclencheurs ? 1. Un seul. Très bien. Moins 1 d'armure, 6 dégâts. Donc il s'en mange 6. Exactement. Tu n'as fait qu'un seul déclencheur, donc tu ne peux pas utiliser tes potentiels. Un seul. Et non, malheureusement. Très bien. Tu n'avais pas d'action supplémentaire ? Non plus. J'avais fait qu'un déclencheur dans... Ok. Malheureusement pour toi, donc tu auras aussi à planter ton ennemi, mais c'est absolument pas suffisant pour le mettre à terre. Et son pote, juste à côté, lui, va t'attaquer. Ouh, et je fais 3 réussites, dont 3 déclencheurs. Oh! Ce qui passe sa défense active, enfin passive, pardon. Et qui fait qu'il va te blesser à son tour. Je fais donc 6 plus 3, 9 dégâts. T'as combien d'armure ? Armure, j'ai 2. Très bien. Tu perds 7 points de vie. Alors attends, moi c'est où mes points de vie, moi là-dedans ? T'en as 14. En tout. Bon bah, je perds la moitié là. Vous voyez Toric qui est blessé par l'une des lames de vos ennemis. Ada, c'est à toi d'attaquer. Le sang a commencé à couler des deux côtés. Que fais-tu ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, on entend. Du coup, moi je pourrais. Je suis plus proche de Mokosh ou de Toric ? Non. Je suis plus proche de Mokosh ou de Toric ? Vous êtes quasiment à égale distance. Clairement, vu la composition de la salle. Bah dans ce cas, je vais aider Toric puisqu'il est en difficulté. Très bien. Tu en effet, viens de se faire planter. Et du coup, normalement, tu sais, j'ai vraiment le fusil parce que je le tenais comme ça pour faire genre. Cependant, je sais pas si je vais l'utiliser, je te vois. Déjà parce que je sais plus c'est quelle compétence et je préfère. Arme à projectile, agilité. Agilité, arme à projectile. Ah, quoique j'ai 5D, hein. C'est vrai que ça peut être. Bah, voilà, je sais ce que je vais faire, je vais utiliser mon action ce tour-là, tu sais, pour utiliser le double tir du truc. Très bien. Ce que je vais faire, du coup, c'est peut-être pas là tout de suite aider Toric, même si aider Toric, c'est ce que j'aimerais faire. Le truc, c'est que genre, j'ai peur qu'en tirant au fusil à pompe, ça le touche, tu vois. Et ça serait très, très dommage, hein, parce que c'est un allié. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est plutôt aller à l'opposé de Toric, tu sais, genre, si je fais un demi-tour, il y a peut-être un ou deux gardes par là, leur tirer dessus avec le double tir. Pour après, du coup, jeter le fusil vu qu'il a plus de munitions et passer à la main. Du coup, j'ai fait 4 réussites, dont un déclencheur et 3 échecs. Donc, normalement, c'est-à-dire que ça réussit, mais c'est juste que je vais toucher qu'une seule personne, non plusieurs, mais ça me va. Ok. Tu t'empares du fusil. Tu te précipites. Tu vois que Toric s'est fait toucher, mais du coup, tu arrives à t'aligner clairement avec un ennemi. Étant donné que vous êtes dans à une faible portée, il a aucune chance de s'en sortir. t'appuies sur la détente. Vous tous, vous entendez une détonation dans la salle qui se met à résonner. L'ennemi tombe sur le coup. J'avoue qu'il est cool ce fusil. Et ouais. Mais il y a à plus ce de cartouches. Moment-là, l'un d'entre eux va tenter lui de venger son pote et va t'attaquer. Pas de soucis. Deux réussites, dont deux déclencheurs. Oh. Ça ne passe pas. Yes. Parce qu'on est en égalité avec ta défense. Enfin, je prends du principe que ça ne passe pas. En effet, il faut que je vérifie ça aussi. Mais là, pour aller plus vite, pour ce combat, en tout cas, ça ne passera pas. Cool. Mais il reste un dernier pote à lui, qui lui également va t'attaquer. Tandis que tu es clairement la cible à battre. Ici. Même. Et qui lui, en fait trois réussites, dont un déclencheur. Tu es donc touché également. Il fait 7 dégâts, moins ton armure. Qui s'élève à 2. 2. Désolé. Tu perds donc 5 points de vie. Je mets à jour l'inventaire. 5 points de vie. 5 points de vie. Ça me fait qu'il m'en reste. L'attaque que tu viens de subir n'est que. Superficielle. Mais le sang a commencé à couler de ton côté également. Tu le vois qui te regarde droit dans les yeux et qui te lâche un sale traître. Je le répondrai au moment où je le tuerai, t'inquiète. On peut faire les jets d'initiative. On commence par l'apocalyptique A qui t'attaque, toi Aeda, toujours. T'as un fusil en main. C'est la cible à abattre. Du coup, il faut que j'attende mon tour pour pouvoir, par contre, pour jeter le fusil ou c'est juste pour savoir. Faudra que j'attende mon tour pour jeter le fusil, c'est ça? Pour jeter le fusil. Bah, si jamais tu veux te défendre par exemple avec ton arme, non, y'a pas de soucis, tu peux le faire maintenant. Oui, c'est mais ça. Parce malus fait, de... Bon, en fait, moi dans mon optique, c'est genre je tire et après je voulais directement en fait jeter le fusil parce que, enfin, comme en fait j'ai les autres munitions et ça serait long à charger maintenant, pour moi, dans le combat, tu vois, il perd son intérêt. Donc, non, mais y a pas de soucis. En tout cas, tu peux te défendre, mais t'auras un malus de 2D dû au changement d'arme. Bon, ok. Du coup, tu souhaites te défendre activement? Non, pas spécialement. Je préfère quand même attaquer après. Ok, très bien. Je vais donc pouvoir t'attaquer. Deux réussites seulement, ça ne passe pas. Oh putain. Ouais. Mais j'ai le droit à une deuxième action. Et non, j'en ai pas le droit à une deuxième action. Enfin, pas avec ce personnage-là en tout cas. Ensuite, c'est au tour de D qui va également t'attaquer. Donc tu défends passivement aussi. Oui, monsieur. 3 réussites, aucun déclencheur. Attaque passe. Je fais 6, moins 2, 4 points de dégâts. Et il va garder sa deuxième action pour lui. Ensuite, c'est au tour de eux d'attaquer. Lui va attaquer Torik. Il va essayer de le finir. Torik, est-ce que tu défends activement ou passivement? Ouais, je vais essayer de me défendre. Ouais, activement, ouais. Très bien, je vais essayer de ranger. Alors, c'est quoi que je dois mettre, moi? Alors, tu as deux possibilités. La première est de faire une esquive, donc agilité, mobilité. Ouais. La deuxième est de faire du body melee, sachant que si sur body melee tu fais 3 déclencheurs, tu contre-attaques et c'est toi qui le blesses. Ouais, bah autant faire ça. Et là, je mets mes points d'ego dedans. Et là, tu rajoutes tes points d'ego et tu retires un dé à cause de la maniabilité de ton arme. Ok, donc ça me fait 6 dés à lancer. Dans les règles de l'art. Autant faire ça, hein, de toute façon. Ça me fera toujours une action possible. Alors je fais 1, 2, 3 réussites et 2 déclencheurs. Oh putain. Ah ah. Et bien de mon côté, j'ai fait 3 réussites, dont un déclencheur, donc l'attaque ne passe pas. Ah, oh, c'est con, putain, il m'a manqué. Ouais, c'est con, ouais. Et en plus, j'ai failli faire 3-1, donc normalement on a dit qu'il se passait rien, mais virtuellement, ouais, c'était limite des deux côtés. Ouais. Bon, heureusement pour toi, t'es pas blessé. Dans tous les cas, il va également garder sa seconde action pour attaquer. Mm-hmm. Et enfin, bah, c'est à eux. Qui lui va attaquer Mokosh. Mokosh activement, défense active ou défense passive? J'ai deux actions, c'est ça? Oui, Mokosh. Oui, deux actions, il a deux déclencheurs. Oui, t'as deux actions. Et donc, si je me mets en défense active, ça me garde quand même. Tu pourras toujours taper, oui. Non, je vais faire ça alors. Et trois déclencheurs, ça lui fait trois trucs? Non. Deux. Trois déclencheurs, c'est deux actions. Contre-attaque. Si elle défend avec sa force mêlée, sa physique mêlée, pardon. Trois déclencheurs, tu contre-attaques et c'est toi qui blesses. Non, mais le E, il a quatre réussites, trois déclencheurs. Oui, donc, et du coup, il a fait quatre réussites, trois déclencheurs, donc il a deux actions aussi. Ah, c'est deux actions, ouais. Pas trois. C'est quasiment tous sur deux actions. Je dois me dire ce que je dois jeter, par contre. Alors, soit tu choisis d'esquiver avec agilité et mobilité. Soit tu décides de parer avec physique mêlée. Et avec physique mêlée, si tu fais 3 déclencheurs, c'est toi qui le blesse. Sachant que tu jettes 2 dés en moins, puisque tu as. À cause de la maniabilité de ton arme. Enfin, tu m'esquives, tu t'en fous. Une réussite. Pardon ? Une réussite. J'ai fait un déclencheur également. Du coup, l'attaque ne passe pas. Du coup, il se passe quoi là? Non, j'ai fait un peu de la merde. J'ai fait 6, 1, 2, 2, 3, 3. Tant mieux. Ouais. Qui continue comme ça? En plus, je vais jeter les dés avant de faire la proposition comme d'habitude. Du coup, j'essaie de pas trahir le résultat de merde que je venais de faire. Du coup, et il va garder également sa deuxième action. Et enfin, l'apocalyptique, c'est ne joue pas puisque c'est à vous. Sachant qu'actuellement, vous jouez tous les trois en même temps. Donc ce que vous allez faire, même si on va le faire séparément, ça se passe en même temps. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, faire des actions, on va dire, de groupe, entre guillemets. Mais alors moi, je peux plus jouer là, en soi. Toi, tu as déjà dépensé ton action, c'est ça? Ben, je me suis défendu activement. Ah non, t'as fait qu'un seul déclencheur. Non, ouais. Donc non, tu ne peux plus jouer. Ouais, sauf pour des actions simples, comme donner des ordres ou ce genre de choses. Non, ça va. Je les laisse gérer leur combat. Tout ce qui ne coûte pas une réaction. Donc, pour des petites choses, ça passe. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que vous faites Aïda, Mokosh. Bonne question. Moi je tape. Bah moi écoute, j'ai passé à la masse. Enfin, je sais pas si Mokosh commence ou je commence comme tu veux. Non, t'étais écrit en première, c'est pas ce problème. Allez, vas-y. Moi du coup, je passe à la masse. Bon, ce qui a normalement été validé. Si je me suis pris des coups dans la gueule. Et Je sais pas, j'avoue que c'est bien le chaos là dans le combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a particulièrement. Outre moi, ouais, parce que j'ai pris un peu cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air particulièrement mal au point? Autre que moi. Parmi vous, Tori qui a pris bien cher. Et Mokosh n'a pas été touché encore. Mokosh n'a pas été touché, le sang de Mokosh n'a pas coulé. Attends, si elle se fait toucher, elle meurt. Donc... Moi j'ai perdu la moitié de mes points de vie. Si ah, ben moi là, savoir. Il me. Bah là en fait, au prochain dégât, je passe en trauma, moi, hein. Je suis pratiquement mort. Hein. Oui, bah du coup, je vais arrêter de penser aux autres, parce qu'en fait, c'est moi défends-toi. Mais oui, non, mais j'observe la situation, je regardais si quelqu'un avait plus besoin d'aide, enfin, s'il te plaît. Vu que finalement, c'est moi qui ai le plus engourdi, parce que je vais faire, c'est surtout s'occuper à ceux qui ont l'air de m'en vouloir directement, pour les leur foutre des gros coups de masse dans la gueule, quoi. Là, on est un petit peu dans la situation où vous êtes chacun dos à dos et les mecs vous commencent à vous enchaîner les uns après les autres. Dans le but, sans doute, de vous épuiser, vu qu'ils sont en surnombre, c'est clairement ce qu'ils ont à faire. Je vais quand même rester sur de l'offensive. En fait, j'espérais que ma masse fasse vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok, donc tu tapes pas la masse? Et ouais, genre, en fait, ce que j'espère du coup, c'est vraiment foutre. Peut-être pas le tuer, mais tu vois, mais vraiment foutre un bien KO pour essayer de réduire ça petit à petit le nombre de connards, quoi. Ok, très bien. Une cible en particulier? Le plus proche de moi, comme ça, moi je fais un trou de mon côté, comme ça je peux voir si ça peut créer des ouvertures, quoi. Encore une fois, une cible en particulier, vu que là ça bouge rapidement, est-ce qu'il y en a un, tu préfères blesser quelqu'un qui n'est pas blessé, le A, le F? Bah je crie sur le... Je crie sur... Sachant que certains sont plus aptes à se défendre que d'autres, même si c'est vrai que c'est pas extrêmement RP, il faut vraiment comprendre que ton personnage est un combattant aguerri et qu'il est capable de voir que certains personnages sont moins aptes à se défendre que les autres. Mais une situation où vous êtes aussi proches les uns des autres, tu peux taper vraiment qui tu veux. Bah ouais, je vais essayer de choper celui-là le plus dangereux, tu sais, offensivement. Comme ça, genre si je veux vraiment la masse, autant de dégâts que j'espère, je pourrais vraiment calmer le truc, tu vois. Ok, très bien. Celui qui a l'air d'être le plus offensif, le plus chaud, quoi. Ils ont tous les mêmes armes, donc en soi, ça peut pas... Ouais, c'est pas l'arme qui va jouer, du coup, ouais. Non, celui qui est dans le comportement a l'air bien dangereux, c'est bien offensif, sûr de lui. D'accord, très bien. Du coup, moi, je vais utiliser ma deuxième action avec lui pour me défendre. Putain, je fais un succès. Bon, c'est bien, ça devrait aller. Alors moi, du coup, je dois faire un jet de 1, 2, 3, 4... Sur 6, je précise, c'est assez basique, mais leurs stats sont résumés en 6, 6, 6, 6, 6. Ils ont 6 d'attaque, 6 de défense, 6 de dégâts. Et juste les points de vie qui sont un peu plus élevés. Mais tu l'es, bordel. J'ai fait, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 réussites, dont... 3 Voilà, il va crever. Déclencheur. Très bien, donc tu fais un solide 11 dégâts. Moins 1, wow. 10. Tu te précipites sur lui avec ta masse. Tu vois, il essaie de parer. Tu lui fous un coup si violent qu'il y a sa lame qui tombe au sol. Revers de la masse, tu lui écrases le visage. Il est projeté contre le mur. Ce qui va créer un trou et je suis très content que la masse marche aussi bien que ce que je voulais. T'as fait 3 déclencheurs ? Oui, j'ai fait 3 déclencheurs, oui. Donc en plus, ça annule ton choc. Oui. Donc tu pourras la réutiliser immédiatement après au prochain tour. Yes. Ok, il est mort là ? Pardon ? Je pense pas. Il est mort le bonhomme ou pas ? Tu sais pas, mais en tout cas, il est allongé contre le mur. D'accord. Je pense pas 10. Je pense qu'il doit lui rester genre 3-4 PV. À 10, non, ils sont pas morts. Ouais. Mokosh. Ouais, bah j'attaque un des types. Fais un double ça, combo. On peut utiliser quoi? Est-ce que vous disiez? J'ai pas entendu. Pardon? Je sais pas, tout le monde a parlé en même temps. Tu uses en deux d'un coup. Ouais, peut-être, ouais. Donc, bref, du coup, je me retrouve qu'avec 4D. Si j'enlève les deux autres, comme d'habitude, c'est ça qu'il faut faire, non? Oui, c'est ça, t'enlèves 2D du coup. Et de la maniabilité de ton arme, si c'est bien ce que j'utilise. J'ai pas de bêtises. J'ai une réussite seulement. Une réussite seulement. En fait, tu dois jeter. C'est ça, du coup, tu jettes 4D seulement. Ça. Et c'était le C que j'attaquais. D'accord, très bien. Le C, est-ce qu'il avait. Donc lui, il était en défense passive, donc ça ne passe pas. Et tu devras passer ta prochaine action. Nouveau tour, vous allez pouvoir faire vos jets d'initiative. Oh putain, alors là ça commence un petit peu à... La situation n'est pas à votre faveur, loin de là. Ouais. Et en plus, dans cette espèce de moment qui sépare chaque round où chacun s'apprête à réattaquer, à se préparer au nouvel assaut, vous voyez la silhouette de l'aïeul qui réapparaît dans l'encadrement de la porte. Oh putain, on va nous casser les pieds. D'un pistolet. J'ai une question. Oui. Outre le fait qu'on va tous mourir. Si l'ego arrive au maximum, c'est genre dès qu'il atteint, par exemple, moi j'ai 10. Si dès qu'il atteint 10, mon perso il est capoute, ou genre c'est genre 10 plus 1. Je considère dès qu'il le dépasse. Ok, donc c'est dès le plus 1 en fait. Donc là par exemple, je peux demander de réutiliser. Et t'as le droit à un test de vigueur, je crois. Avec la difficulté, avec le nombre, en difficulté, le nombre d'ego que tu perds en plus. Qui te permet d'en regagner un, je crois, une seule fois. Okay. C'était pour savoir du coup si je pouvais utiliser mes deux égos ou si je devais en utiliser qu'un seul, sinon j'étais capoute directement. Ok, d'accord. Okay. Okay. On n'avait pas mis des. D'ailleurs, je vous le pose à la quand même, parce que le combat est quand même mal parti pour vous. Réfléchissez quand même, il y a des trucs que vous avez oubliés depuis le début pour l'instant. Rappelez-vous, tout, on va dire un peu. Bon, n'hésitez pas à penser à tous les moyens qui sont actuellement à votre disposition pour combattre. Oui, mais Ada est pas très arme à feu, donc, je crois, de... Mais effectivement, enfin, genre... Après, Gossed, il a les trucs, tu sais, pour détourner l'attention, il a un incinérateur, on l'utilise pas. Oui, mais l'incinérateur, on est tous en masse dedans, je vais cramer tout le monde. Il y a une meuf qui arrive avec un flingue, c'est le moment, mec. Non, mais attends. Laisse-moi gérer mon tour, je vais préparer. Oui, bah, après, moi, il y a une meuf qui arrive avec un flingue, je pense que c'est le donc, moment. Donc, je mets 3 points d'ego, moi. Après, je sais pas s'il y avait d'autres. Nous avons donc Mokosh. Nous avons donc 3 fois Mokosh. Qui va attaquer 3 fois, enfin qui va avoir droit à 3 actions. Ouais, mais Mokosh, tu peux faire de... Ada qui aura le droit à 2 actions. Bon, donc je pense qu'on a fini à ce point. Suivi de ABC. Enfin de A, C et D. A, C. Et mais avant Eutorique pour 2 actions, c'est ça? Oui. J'ai deux. Parce qu'en cas d'égalité, tu joues avant eux. Donc Torique x 2 ACD ensuite. Chacun pour une action et enfin eux. J'ai pourquoi x 2? J'ai pas fait de. T'as fait... Ah non, c'est 3 égaux. Bon, moi, j'ai cru que c'était 3 déclencheurs. Ouais, non. En effet, tu viens de me lire. Voilà. Bon, bah, eh bien, le combat est mal commencé, mais là vous avez peut-être l'occasion de vous en sortir. Alors je te laisse, Mokosh, entamer le les hostilités. C'est ton moment, ta première Mokosh. Action. Du coup, a priori, tu la perds à cause de ton choc. À moins que tu veuilles faire quelque chose de différent que d'utiliser ton espadon. Non, enfin, je pense pas que j'ai capacité de faire autre chose. Très bien. Donc, il y a l'arme à feu et tout ça, mais je suis bon. Si tu utiliseras deux actions. Ouais, mais non, je vais pas changer. Donc je jette ça. Moins 2. Tu taperas avec un dé en plus, donc 7 dés. Ah non, c'est dit. T'as utilisé deux égaux. 3 réussites dans un déclencheur. Très bien, tu tapes qui? Oh, attends, c'est qui a A. A. Ouais. Je vais faire une défense active. 3 réussites, dont 2 déclencheurs, l'attaque est parée. T'as fait combien de déclencheurs? 2. 2, très bien. Donc tu peux réattaquer avec ta troisième action si tu le souhaites. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux réattaquer également? Oui, également. Défense juste. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 réussites dont 2 déclencheurs, donc déjà tu pourras taper au prochain tour, je n'ai plus de défense. Donc tu lui fais... Alors... Tu... il avait déjà perdu son point de vie. Bien joué Mokosh. Mokosh, elle tape le mec. Vous le voyez qui part assez aisément son coup. Qui même est à ça de contre-attaquer. Malheureusement, Mokosh qui commence à s'acharner sur lui jusqu'à lui défoncer le crâne devant ses potes. C'est les moments où il crie « C'est pour Abby !» Bon, t'as une chance que les mecs commencent à prendre peur. Et qu'il puisse, y en a et un c'est qui... Et c'est à toi, Eda. Eh ben écoute, inspiré par Mokosh, je me dis « Putain, mais c'est... » franchement, c'est pas con comme stratégie. Du coup, bah, je vais en prendre un et je vais faire pareil. Je vais m'acharner sur lui. Je vais faire le crâne à coup de masse. Je t'avoue que le côté lettre, moi, me perd un peu parce que je n'arrive pas à voir qui est qui. Pas de soucis. C'est un réel problème d'ailleurs que vous avez, en effet, vu qu'ils ils sont clairement habillés tous de la même manière. Simplement, n'hésite pas à regarder le nombre d'actions qu'ils ont et le nombre de points de vie qu'ils ont perdu. Il reste C et D. Ça permet facilement de se donner une idée de desquels sont plus blessés. Ah, après, entre parenthèses, voilà. D'accord, ouais, c'est bon, j'arrive à suivre. Regarde, il reste Je vais défoncer D parce que le D peut taper plusieurs fois. Cible à battre. Donc c'est la cible à battre pour moi. Très bien, je vais faire une défense passive. Donc t'as une difficulté de 2. Oh. Ok, allez, j'y vais, je lance mes 7 dés. C'est le moment de tuer en un coup. Tu nous refais les mêmes là, qui sont en bas là. Le 6, 6, 5, 6. Je pose l'image, des fois c'est un peu galère pour moi de lire, donc du coup comme ça, je vérifie, oula. On est d'accord. Du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, avec... 5 réussites, 3 déclencheurs. 11 points de dégâts. Ok, moins 5 réussites et 3 déclencheurs, ok. Décidément, vous voulez taper 10 par 10. Ouais. Je sais pas pourquoi ce chiffre plutôt qu'un autre, mais... Et avec les 3 déclencheurs, ça lui donne pas un truc en plus? Mais c'est vrai que je peux retaper avec encore, ça c'est oui. Cool. C'est le bois ce qu'il lui fallait. Donc Aeda, il a beau être lent, vous le voyez, qu'il pulvérise ses ennemis avec sa masse. C'est ce que j'avais dit, c'est vraiment le cliché du gros guerrier dans les jeux à la Donjons et Dragons. C'est le truc super lent, mais quand il frappe, il fait super mal. Quoi. Bah écoute, vu qu'il est sous ma masse, je vais en profiter pour refoutre un coup. Cette fois-ci, je vais me défendre activement. Ouais, je comprends. Malheureusement, j'ai mal joué, du coup, je me tape un malus. Et j'ai fait 3 réussites dont un déclencheur. Oh putain. Okay. Sur 4 dés. Ce qui est vraiment pas mal. Et ça marche comment déjà le... Désolé, je commence un peu à... Voilà. C'est genre, il faut que je fasse plus que lui, c'est ça? C'est ça, tout simplement. Et du coup, il a fait combien? Parce que là, j'ai fait 1, 2, 3 réussites dont 2 déclencheurs. Il faut que tu fasses 4 réussites. Bah, nickel. J'ai fait pile 4. J'ai fait 1. Je mets l'image comme ça. T'inquiète. Du coup, si je sais compter, ça fait 4 réussites et 1 déclencheur. 1, 3. Du coup, je fais 8 dégâts supplémentaires. Vous voyez que pareil, il imite Mokosh. Il le pulvérise un premier coup. Il l'enchaîne, il explose le crâne. Mokosh forever. Thoric, c'est à toi. Du coup j'hésite maintenant parce que tu vois en face de toi actuellement il y a F qui est donc F. Mec, ils ont vraiment des prénoms. Il s'appelle F. Tu vois que l'un d'entre eux déjà est trop blessé pour pouvoir se relever. Celui qui a été jeté contre le mur au tour précédent. Mm-hmm. Il vous attaquera par tour. Il ne vous attaquera pas tout ce tour-ci. L'un d'entre eux, lui, est en parfait état, n'a pas été blessé. Par contre, son pote à côté est couvert de sang. Alors tu peux soit tenter d'achever l'un d'entre eux, soit attaquer à celui qui est indemne. Il y aurait pas l'aïeul aussi à défoncer vu que... Oui, tu peux également l'attaquer elle. Par contre, tu auras un malus à ton jet d'attaque de 2 dés, mais tes potentiels futurs attaquants auront également un malus pour te toucher, étant donné que tu seras en mouvement. Alors j'hésitais entre récupérer le fusil et balancer la sauce en sens de mettre le truc irritant là. Mais en même temps là on est en train de prendre le dessus sur les assaillants. Donc du coup j'hésite à le faire. Et à l'aïeul aussi. C'est dur. Et du coup, ça va me faire 2 dés de malus si je m'attaque à l'aïeul directement. C'est ça. que tu dois te déplacer pour l'attaquer. Elle, par contre, elle est trop loin. Donc elle vient seulement de revenir. Mais ça augmentera ta défense passive. De 1. Donc il faudra faire 3 dés pour t'attaquer. Pour te blesser. Enfin, du coup, bon, vas-y, on va dire que je vais me précipiter sur la IL. Allez. C'est bon. On y va. Du t'as coup, j'ai de un. Précipiter vers elle. Ouais. Donc okay. J'ai 8 dés et j'en enlève un pour mon machin, c'est ça? Alors, pour, t'en enlèves. Sur les 8 dés, t'en rajoutes 2 grâce à ton ego. C'est bien ça? Non, même 3. Non. Alors, là, j'ai 5 dés de mêlée. Plus 3, bien, plus donc 3, moins de... 4. 2 plus pour le déplacement. Et, mais ça, je savais pas ça. Et 2 pour. Et non, et 1 pour la maniabilité. T'as combien de maniabilité? En fait, ça s'équilibre. Le déplacement et ta maniabilité sont équilibrés par ton ego. Donc, du coup, j'en lance que 5. C'est ça. Tu lances que t'as mêlée pure. Tu l'attaques au dilacérateur. Ouais. Bon, okay. on croise les doigts, les gars. Hein. C'est le moment où il faut que je fasse un bon jet. Je suis en défense passive. Oui. Combien? J'ai fait 4 réussites, 3 déclencheurs. Donc je déclenche le truc de mon. Alors là, tu as deux capacités ton arme. Enfin, tu as deux capacités que tu peux potentiellement déclencher. Tu as ton potentiel dilacérateur et l'amélioration de ton dilacérateur, la lacération. Alors, je vais décrire rapidement du coup laquelle des deux tu préfères activer. Tu ne peux en activer qu'une seule. Oui. Si tu déclenches la capacité lacération, ça va annuler les bonus de dégâts accordés par des déclencheurs. Normalement, là, tu devrais faire 3 dégâts de plus. Ouais. Mais tu vas jeter un des 6 et faire un des 6 dégâts en plus. Donc, si tu fais 6, tu feras 6 dégâts supplémentaires. Ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, si il y a également le potentiel dilacérateur, qui est celui en fait qui permet lors de ton attaque d'agripper le manche et tu sais de déployer les lames dans ton ennemi. Et ce qui permet d'obtenir. Alors c'est qui toi te permet d'obtenir plus 1 de défense et plus 1 dé au maniement de ton arme pendant un round. Pendant un round, pardon. Bah je vais faire ça. Je vais faire ça en gros. Comme ça en même temps ça va me permettre de l'avoir à portée de main. Tu vois, enfin genre elle va être. Très bien. J'ai avoir l'ascendant sur elle quoi, au final, puisque j'ai mon dilacérateur planté en elle. Ouais, mais voilà, c'est ça que j'ai fait. Ok, alors. Très bien, donc dans ce cas-là, on notera tu auras plus 1 au maniement de ton arme et plus 1 dé de défense. Et du coup, ça marche comment pour elle là? Du coup, ce qui se passe pour elle, c'est que déjà tu la blesses. Combien est-ce que tu lui fais de dégâts déjà? J'ai fait 3 déclencheurs avec 4 succès. Très bien. Donc, plus ton arme qui fait de base. 6. Ok. Vous voyez Torik qui d'un coup se précipite dans la salle, se lève et plante son dilacérateur dans l'aïeul. Clairement, genre dans le bide. Instantanément, il agrippe le manche et il déploie les lames qui sont à l'intérieur. Et c'est sur ce que par réflexe, elle essaiera de te tirer dessus. Au secours. Heureusement pour toi, t'as 2 dés défense. Enfin, t'as 2 défenses passives de base. Plus 1 pour ton déplacement, plus 1 grâce à ton potentiel. D'accord. Et c'est un bon résultat parce que j'ai fait 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ouf. Donc tu t'en sors plutôt bien. J'ai bien fait de le mettre. Bah du coup, c'est il y en a deux à jouer avant. Avant que tout ça finisse, en effet, il restera deux attaquants. C va attaquer Mokosh. Et F va attaquer Ada. Non, E. Enfin, F, il peut pas jouer. Oui, excuse-moi. C a fait 4 réussites, dont un déclencheur. Mokosh va donc être blessé. Non! Donc soit Mokosh meurt, soit Mokosh entre en mode Berserker. Non! Berserker. Il a fait quoi? 4 réussites, un déclencheur? Ouais. Mokosh n'ayant pas de points d'armure, tu subiras 7 points de dégâts. Dis-moi que tu survis. Ah, déjà, je pense que tu survis, même si je sais pas calculer les points de vie. Alors, tu peux le voir sur la fiche de personnage dans le Genesis Terre. Tu as actuellement 7 blessures, sachant que tu as 8 points de vie de base et 5 points de traumatisme. Là, je comprends pas. Mais mec, c'est-à-dire qu'il te reste que 6 points de vie là, c'est-à-dire qu'il te refait la même, tu meurs. Hein. Oui. Ouais, mais ils vont mourir avant, t'inquiète. Je comprends quand même pas mes points de vie. Moi, je suis content, mec... j'ai pas peur. Ok, très bien. Mais moi, j'ai peur. Attaque. T'attaques toi, Aida. Est-ce qu'il te reste une action de défense, Aida? Non, j'ai utilisé mes deux actions pour défense buter, passive, donc. Pour écraser. Ouais, donc passive. Mon déclencheur, ça ne passe pas. Bien joué, Aida. Moi aussi, je suis à ça de la mort, donc. En vrai, on va finir ce combat, on va tous se regarder, on va s'effondrer. je reconnais là. C'est très cash. Ce round de combat est terminé. Faites-moi chacun un jet de perception. Oh putain, un jet de perception. Instinct perception, en effet. Étrange. Puisque depuis la porte ouverte derrière l'aïeul, quelque chose se prépare. Non, pas le deuxième boss, frère. C'est le vrai boss. Mais oui, mais je la connais cette structure. Mais non, c'est, tu vois bien qu'on a trop morflé, il faut annuler un moment. Alors, quand t'as un succès et un 1, c'est quoi? C'est bon, t'inquiète. Faut avoir plus de 1. J'ai une réussite. Voilà. Très bien. Et une réussite, les autres, vous autres? Ouais, bah Mokosh il voit tout, de toute façon. Yes. Moi, j'ai compris, deux réussites, ouais. Un déclencheur. Moi, tu vois, j'ai vu, j'ai déjà la stratégie. il a déjà combattu, le boss est déjà mort. T'as le droit de jeter un dé supplémentaire, Mokosh. Ah ouais? Oui. Bah, moi au final c'est RP. Quoi? Ok. Oh putain. Moi c'est RP, d'accord. En fait, je suis avec l'aïeul, oui. dans son bide. Donc même si en toi, vu que t'es la personne la plus proche, tu pourrais. Ouais, mais je suis concentré sur l'aïeul, moi. Je suis à fond sur l'aïeul. Moi je vois tout. Mokosh, juste derrière l'aïeul, tu vois se dessiner un essaim de guêpe qui se précipite en direction de Torik. Torik, il a c'est... pas une tenue hospitalière. Si, j'ai ma tenue hospitalière. Ça protège un peu, non, les gars? Mais pas mon. Ouais, mais j'ai pas mon visage, par contre. Est-ce que ta tenue a la propriété hermétique? Torik, je ne sais plus. Oui. Donc, t'auras quand même 4 succès. Alors, sans ton masque, tu as quand même 4 succès, automatiques pour te défendre contre un essaim de guêpe. Bah c'est cool. Yes. T'as vu, ça vaut le coup d'être... Ah bah c'est à ça que ça sert, hein, de toute façon, de base, cette tenue. Entre autres. Eh ouais. C'est parce qu'elle est hermétique. C'est typiquement ce moment-là où les apocalyptiques qui adorent être dénudés seraient dans la merde. Et justement, oui. tu vas pouvoir t'opposer à manger. Moi ? Donc c'est Tori qui va se prendre les seins en premier. Et il va le garder, tu vois, il va le garder pour lui, il est pas obligé de le partager à un moment. Ouais, non, on en veut pas trop. Ouais, non, mais en plus c'est hermétique, donc à la limite, voilà, il nous fait une torche humaine. C'est quoi, Torik? Tu le laisses entrer, puis tu refermes? Ouais, voilà, c'est ça, Torik. Bon, combien de jets tu vas lancer pour me faire tomber là? Alors, je vais dire ça, je vérifie bien. Alors, 257 avec 3 jets par guêpe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de dés. Du coup, il va sur un site pour générer les dés. Il va sur Dicelog, il va faire s'il vous plaît. Donc là, oui, en gros, moi j'ai 4 dés de défense, c'est ça? Pardon? J'ai 4 jets de défense. Alors, t'as 4 succès automatiques en effet. 4 succès, voilà, 4 succès. C'est déjà pas mal. En fait, pour l'instant, ça ne va pas te blesser. Mais tu te prends les seins de guêpe en pleine gueule. Alors, tu vois, toi en plus qui aime pas ça, c'est clairement pas agréable. Et du coup, ça va te faire un malus automatique de 6 dégâts à chacune de tes attaques. Moins 4. Quoi ? Mais je suis. Mais parce que malheureusement, je vais rien lancer. Quand même dans le visage. Putain. Pardon ? Mais en gros, je vais pas jouer quoi. Si j'ai 6 dés. Du coup, tu passes à seulement 2 en malus parce que t'as ton armure hermétique. D'accord. Qui t'octroie un bonus de 4. D'accord. Bon, bah on fait quoi ? On lance l'initiative là ? Eh bien, je vous laisse lancer l'initiative. Avant de lancer l'initiative, faut que je sache si je suis berserker. Parce que je connais pas trop ma règle. Quel est le nom du potentiel, c'est berserker justement? Attends, parce que je l'ai pas marqué sur ma fiche. Ouais, ça y est. Je vais vérifier ça rapidement. Moi je vais tout mettre, il me reste. Je vous préviens, j'ai plus de points d'ego, donc là c'est le moment où je vais pas faire grand chose. Bon, c'est pas il me reste privé, donc ça doit être dans le jeu. Il me reste que 2. Merde, les messages ont disparu. Ah mince, excuse-moi, c'est ma faute. Tu voulais savoir quoi ? Mais quel était le nom du talent ? Enfin, du potentiel que j'avais pris. Ah d'accord. Mais du coup, je trouve pas. Je veux dire ça, fureur peut-être, non ? Peut-être. Ah bah voilà. C'est le truc ça, qui c'est fait mieux. Que quand j'arrive à un certain niveau de vie, je peux utiliser les mots sans les. Ah merde, attends. Thoric il agit en premier parce qu'il a un essaim de droit braguer. Ah voilà, j'avais oublié celui-là. Faudra que je le reload sur ma fiche. Tu en fait, c'est quand je suis dans une situation désespérée que je fais des bons jets. C'est un peu l'inverse de Charlie dans les autres campagnes quand il est joueur. J'ai peut-être une chance de jouer avant tout le monde, je sais pas ce que je vais faire. Alors, Sylana Baptiste, alors pardon. Donc Sylana Baptiste est blessée, qu'il subit un nombre de blessures supérieur à 50% de ses blessures superficielles, plus traumatisme. Il est pris d'un accès de rage jusqu'à la fin du combat. Il peut utiliser autant de points d'ego qu'il le souhaite, il n'a plus aucune restriction, il ne peut plus se défendre activement, le potentiel sang du pêcheur, donc c'est le nom sang du pêcheur. N'a qu'un seul niveau et ne peut être amélioré. Est-ce que tu es donc à la moitié de tes points de vie plus traumatisme ? Je ne crois pas, malheureusement. Je sais pas, je connais pas ce que ça veut dire. Tu es, en tout, tu as 13 points et tu as 7. Donc si, en effet, tu viens d'activer sang du pêcheur. Mokosh vient de passer en mode berserker. Tu peux dépenser autant de points d'écho que tu souhaites. Très bien, je dépense tout. Non, non, non. Tu pourrais dépenser 8 points d'ego. Oh le truc. Est-ce qu'après, genre. Mais attends, mais ça peut être trop épique. Genre, t'arrives, tu fais genre 8 points d'ego. Puis après, tu sais, genre, elle bute tout le monde et elle s'effondre par terre. C'est ça. C'est tellement cinématographique ou genre un peu, tu sais, manga drama sur deux scènes. Je vais utiliser 4. Très bien. Ça, les juste autres. Pour faire un petit plus 1, putain. Oui, mais c'est nécessaire quand même. Oui, t'en es. J'en ai dépensé 2, c'est tout est écrit. Très bien. Et toi, Moko, Abby ? Pardon. Abby, bah, finalement. Eda, il est morte. Morte. Accepte la réalité, j'ai fait une réussite. Et 0 ego parce que bah, je suis à 10, si je les tue, je meurs. T'as 4 sur 6, moi, je vois. Mais non, mais mec, on a fait plein de tours, à chaque fois j'utilise 2 points d'ego. D'accord. Peut-être à 4. Hein. D'accord, donc j'ai dû oublier, donc t'as 6 sur 6 sur 4. Moi, je dis que c'était quand même plutôt utile de faire ça. Pourquoi ? C'est pas dégueu ? Il a fait un jet de ouf. Ou alors ça a sauvé toute la merde qu'il a fait. le plus 4, c'est ego. Alors je modifie. Elle va taper 4 fois, putain, mais j'ai jamais vu ça. putain, 6D déclencheur. Mokosh, Mokosh is the best. Voilà. She's the best. Dieu. Alors, de leur côté. Là, on va jouer tous avant eux. L'apocalyptique, c'est. Qui est le seul qui n'a pas été blessé. Fait 4 réussites, dont un déclencheur. Et les autres, ils ont tous des avantages. Ouais, les autres ont tous des avantages. Le E, tout de même, également à la manière de Mokosh, se voit avoir un élan de rage qui lui fait un beau résultat de 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Donc il jouera 2 fois. Mais c'est pas une rage à mon niveau, quoi. Et son pote s'est enfin relevé et a fait une réussite, dont un déclencheur. Et l'aïeul. Et l'aïeul, en effet, c'est facile pour jouer comme tout le monde. Elle vient de faire 3 réussites. Elle est blessée. Faut que tu mettes ses. J'ai enlevé combien moi du coup ? Je sais même plus. Pardon ? À l'aïeul, j'ai enlevé combien de points ? Ouais, elle a perdu du point de vie. Je le note de mon côté, ne t'en fais pas. Donc Mokosh x 4. Mokosh. Ensuite, on aura. Toric. Le C. Non, c'est Toric. Ah non, c'est oui, en effet, putain, Toric. Pour une fois que je fais un bon jet. Qui va taper x2. Non, une seule fois. Ah oui, c'est l'ego à chaque fois que je confonds, excuse-moi. Ensuite, le C. Le E x2. Et Layal, enfin Ada, et pour finir le F. Bon, test tout finir, Mokosh. À vous de jouer, à toi, Mokosh. Sachant par contre, tu ne pourras plus te défendre activement. Oui, j'avais pas prévu de le faire. Bon, attends, il faut toujours que je m'habitue à CSG. C'est terrible ce système. Là, tu vas lancer 4. Ouais, en ça plus. Pas. Oh, donc ça, là, donc, attends. Tu jettes ton nombre de, donc, de force, enfin physique, mêlé plus 4, moins 2. Donc ouais. Plus 2. C'est parti. Et tu tapes qui? Ah, attends. Je vais le dire avant alors. Je tape. Ah oui. C'est, j'imagine. Ouais, c'est. C'est le seul qui est pas blessé. Ouais, bah c'est bon. Et donc j'ai 4 réussites dont un déclencheur. 4 réussites dont un déclencheur. Je vais me défendre activement. 4 réussites dont un déclencheur également. Ça ne passe pas. Oh. Et vu que tu n'as fait qu'un seul déclencheur, ça fait sauter ta prochaine action si tu attaques l'espace entier. D'accord, je vais quand même continuer à attaquer. Très bien, oui, tu peux largement te le permettre. Par contre, je ne peux plus me défendre activement. Alors, attends, ok. Donc, on jette. Là, il n'y a plus les bonus d'ego, c'est ça? Non, il n'y a plus les bonus d'ego. C'est bien ce que je pensais. Il faut que tu fasses 2 réussites au moins. Enfin, 3 réussites. 2 réussites seulement. Ah oui, oui, du coup, oui, non. Une réussite qui est un déclencheur. C'est tout. Ouais. Ça ne passe pas non plus. Il me reste une action ou pas là, du coup ? Oui. Oui. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour à cause de choc. Attends, je peux en faire une ou pas alors? Oui, mais tu ne peux pas l'utiliser. Enfin, tu peux pas utiliser ton talon à cause du choc. Mais tu peux faire autre chose comme attaquer avec une nouvelle arme. Ouais, mais je peux pas changer d'arme, ça me ferait perdre un tour. Ça compte comme un changement d'arme. Je passe en mode poignard. Parce que j'ai mon poignard dans mon épée. Alors, je considère que oui, mais du coup, je considère que tu n'as pas de malus. Parce que du coup, c'est l'arme que tu possèdes déjà en main, donc tu n'as pas besoin de chercher la nouvelle arme, ce qui est normalement ce qui est ça qui pour moi t'impose le coup. On va faire ça, je vais continuer à essayer de le prendre quand même celui-là. Deux réussites dans un déclencheur. Deux réussites dans un déclencheur. Ça ne passe pas non plus. Oh le gros fail, le mec il a résisté à tout quoi. Vous voyez Mokosh qui est passé en mode furie, qui commence à s'acharner sur le l'apocalyptique qui n'a pas été blessé. Malheureusement pour elle, il est trop résistant. Il arrive à défendre tous ses coups sans exception. Et c'est à toi, Toric. Bah moi je suis sur la gueule. Prise sous la nuée. Qu'est-ce que tu fais? Bah je continue sur la gueule, elle est agrippée à mon très bien. Dilacérateur. Je vais pas partir autre part. Fais-moi un G, t'auras ma liste de 2. Bah donc bon, mes points d'ego, je les enlève. 3, moins 2 d'ego, donc t'as un malus seulement de moins. Attends, dis-moi, j'enlève combien de dés? 1. Un seul, donc en gros, j'étais à 7, j'en lance 6. Très bien. C'est vrai que des fois, je m'y perds un petit peu là dans les... C'est normal, ouais. Oh merde, il y en a un qui s'est barré. Direct sur une feuille de papier. Alors. Oh punaise, mais franchement là je suis en mode berserk là. C'est moi j'ai mis le mode berserk. Alors j'ai fait 5 réussites, 3 déclencheurs. Alors de mon côté je me défends activement. Alors là du coup comment ah ça oui se... oui oui. Ouais non ouais, vas-y. Mais du coup là vu que mes lames sont déjà plantées. Et d'ailleurs j'en profite aussi, c'est vrai que ça fait beaucoup de trucs à prendre en compte. Mais est-ce que tu as pensé à le jeter un dé en plus parce que tu avais, grâce à ton bonus, tu as un en plus en maniabilité? Ah bah du coup il faut que j'en jette un autre alors. Y a pas de soucis. Je comprends, oui, ça fait beaucoup. Et ben, je fais un déclencheur en plus. Oh putain. Ça fait 4 déclencheurs. Donc 6 réussites, 4 déclencheurs. Donc là, la haie elle est morte. J'imagine que tu vas réactiver ton potentiel lacération. Bah oui. Pas de lacération, pardon. C'est ça. Ça ne vaut pas le coup de lancer un D6, t'as pas le choix de dégâts. Là, je pense à Abby quand je fais tout ça. Ok. Tu lui fous un violent coup, tu vois, t'as séparé les lames à l'intérieur de son corps. D'un seul coup, tu retires ta lame. Ça lui arrache. Genre, tu retires les boyaux qui vont avec. Et tu vois sa silhouette qui s'écroule au sol. Et limite là le sang ne m'accommode pas, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Tu fais un violent coup, un violent revers avec ta lame et son corps est projeté au pied de ses ennemis pour 4 déclencheurs. Et de ton côté, Ada, tu et Mokosh, vous voyez les autres pris d'une espèce de terreur fulgurante. Ah bah il bouge pas. C'est ça. Donc je peux retirer la gueule de la liste. Alors est-ce que les autres sont décontenancés? C'est lui n'est pas blessé, n'est pas décontenancé. Malheureusement pour lui, il s'est déjà défendu. Il aura réussi à payer, enfin à annuler toutes les actions de Mokosh, mais ça a fait un prix. Maintenant il reste eux. Eux, il va attaquer Aeda. C'est vrai qu'il faudra peut-être qu'ils arrivent à en tuer l'un d'entre vous aussi également. Malheureusement, il est fortement blessé, mais il aura le droit à 2 actions. Aeda, tu te défends activement ou passivement? Pour la première, je tente le passif. Très bien. J'espère que ça passe. Je fais une réussite, dont un déclencheur. Ça ne passe pas. Deuxième attaque. Putain, j'aime pas jouer avec le hasard comme ça, parce que là, c'est chaud. On les a presque tous finis. Du coup, je précise quand même que je jette 4 dés. Ce qui fait une chance sur deux de toucher. Vraiment, une chance sur deux. Mais j'ai un malus de 2. Je reste en passif parce que vu. Allez. Fais pas suspense. Dis-moi tout. Je viens de faire 3 réussites, dont un déclencheur. Ah ouf. 4, 4, 6, 3. Tu perds donc 7 points de vie. Ah, c'est beaucoup. Moins 2, parce que tu as 2 points d'armure. Ah, c'est peut-être mieux. Attends. Non, normalement je devrais survivre, je crois. Je crois que je vais juste être très très mal. Tu passes à 5, tu passes à 14 sur 16. Oh là là! Ah, ça sera ma dernière passive. Hein. T'as 14 sur 16 points de vie, à 6 sur 6 points d'ego. Ah ouais, mais attends, mais du coup maintenant j'ai les malus de... Oh, eh oui, malheureusement. T'auras 4 dés de malus. 4 dés, oh putain. Bon, il faut ce qu'il faut. Faut calmer. Le mec, il est dans ses derniers retranchements. Il est passé en mode furie lui aussi. Pour lui, c'est te finir, te tuer ou être tué. Il a plus le choix, il vient de t'enchaîner. Et te planter sa lame en plein dans le vide. La blessure est grave. Et tu t'apprêtes à t'écrouler au sol, mais t'as le droit à une action. Eh bien, je... Écoute, vu que c'est tuer ou être tué, bah je vais réaliser son vœu et je vais le tuer. Très bien, je vais jeter un dé. Mais non, pas alors, est-ce que tu attaques avec ta masse ou avec ton bracelet poignard? Sachant que t'as un malus de moins 4 dés à ton attaque. Il a régularité le poignard, c'est vrai qu'il peut t'attaquer. Oui, et il a une habilité de plus 2 dés. Ah, c'est-à-dire qu'il rajoute des dés au... Il rajoute des dés. Ah, mais il fait beaucoup moins de dégâts. Ah, mais d'un côté, il est déjà blessé. Donc t'es peut-être pas obligé d'y aller. Ouais, je vais prendre le poignard, ouais. Très bien. Ce qui fait que mêlée, donc... Alors, ce qui te fait, c'est que je peux te simplifier. 7. 7, et je perds 2 dés, donc ça fait 5 dés, je lance. Et il est en passif, lui. Oui. Oui. Oui, il vient de jouer. Allez! Putain, la musique que j'ai en ce moment est absolument épique. 3 réussites, 2 déclencheurs. Oui, 3 réussites, 2 déclencheurs. La force divisée par 3. Je referai un calcul rapide. Il est mort là. Il est mort, tu l'as tué! Ça fait 2. De toute façon, au pire, j'ai la régularité donc je peux mettre 5. Un coup. Tu vois, il vient de te planter la lame, elle vient de traverser ton corps. T'es aux portes de la mort. Mais malheureusement pour lui, cette erreur lui sera fatale parce qu'il est désormais au corps à corps avec toi. T'as beau lâcher ta masse, tu lui plantes ton bracelet poignard qu'il n'avait pas pu détecter en plein dans la gorge. Il s'écroule. Toi, Mokosh, t'assistes à ce spectacle désolant. Et derrière toi, il restera que F. Qui lui décide de prendre la fuite. Donc il en reste un là. Exactement, il reste plus que C. F a pris la fuite après avoir vu le cadavre de l'aïeul. Étant donné qu'il était également gravement blessé aux portes de la mort, il tente de se barrer. Fin du round. Initiative. Désormais, Torik, en plein milieu de la nuée, tu aperçois une dernière silhouette qui apparaît. Malheureusement pour toi, tu auras du mal à... comment dire... distinguer ce que tu vois. Mais la forme que tu vois n'a rien d'humaine. Ah, mais... elle doit faire 1m60, 1m70. Mais cet être quasiment nu, vêtu d'un simple pagne, boursouflé de part et d'autre, se marchant appuyé d'un bâton, semble surplombé d'une espèce de ruche qui aurait comme fusionné avec sa peau et qui lui rentre au niveau de la bouche. Et c'est de là que sort les seins que tu assistes, que tu as vu depuis tout à l'heure. Mmh. Tu as déjà entendu parler de ce genre de créature que l'on appelle les phéromanciens. Sans doute, ouais, que celui-ci avait pour projet de récupérer la fille que vous avez condamnée à Moonlooter. Mmh. Malheureusement pour lui, vous étiez déjà passé par là. Et c'est à cet instant que tu le vois te pointer avec son bâton. et laissant se diriger vers toi une nouvelle fois. Comme en pique, tu le vois qui fait un virevolte et fait effectuer une espèce de demi-tour en plein milieu de la pièce et qui te fonce dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'esquiver. Pardon? Enfin, bah après, comment esquiver un essaim d'abeille, c'est un peu compliqué. Mais... Tu peux te jeter sur le côté. Oui, bah oui. Sol, oui, c'est ce que je veux. Très bien. Je laisse me faire un jet d'agilité mobilité avec un bonus de 1D puisque tu as activé ton potentiel. Ok, c'est le moment de faire quelque chose de bien. Alors j'ai 3 succès, un déclencheur. Pardon, 3 succès, un déclencheur ? Oui. Très bien, l'essaim est à 6, donc c'est un échec, mais étant donné que ton armure est, t'offre 4 succès automatiques, c'est ça que correspond le plus 4S, ça passe. D'accord. Tu n'arriveras pas à éviter l'essaim, mais heureusement pour toi, ton armure, enfin ta tenue, Encaisse. Protégera et parfaitement des effets secondaires que tu aurais pu avoir. D'accord. Évidemment, tu le sais très bien, les guêpes que possède le phéromancien sont infestées de spores. Et la moindre des piqûres que tu pourrais subir aurait des répercussions sur ta santé. Oui, je comprends bien. Du coup, je gueule, j'essaie quand même de gueuler aux autres. Attention ! Attention à ces guêpes ! C'est ça, vous voyez vous Thoric au sol, à côté du corps de Layal, et la créature qui vient de se lever. Il faut la tuer ! Très bien. Crypte activé. Est-ce que vous êtes prêts pour un dernier round? Oui, je mets. Ouais. Pas trop moi. Mais allez, il suffit de pas regarder les points qui traînent et ça passe. Eda est aux portes de la mort de son côté. Il y a 2 ennemis contre 3. 2 ennemis. Chacun va pouvoir faire son jet d'initiative. Alors, combien dépensez-vous d'ego? Ah bah moi je peux pas en dépenser parce que j'ai arrivé au bout. Alors... Ah oui, c'est vrai que t'es arrivé au bout. Si on arrive à 0 d'ego... Comme l'avait proposé Maxime, le jeu de dépenser tout ce qui te reste, mais tu t'écrouleras à la fin du... Ouais, non mais non. Ça peut être rigolo, c'est ce que je vais faire moi. Et en fait c'est ce que je vais faire, parce que comme il me reste que quelques points de vie, autant que je... Bon, on va être 2 à tomber par terre. Moi j'ai fait 3 succès, 2 déclencheurs. Je suppose du coup, MJ, que j'ai une limite de 1, parce que c'est genre à plus 1 que tu t'effondres. Donc, exactement. Ok. Comment ça, c'est à plus 1 quoi? En gros, tu sais, c'est à plus 1 de ta limite. Genre, par exemple, si toi il te reste 2 dés, tu peux aller jusqu'à 3 dés en gros. C'est ça, c'est simplement tu vas t'écrouler. Il m'en reste 4. Tu dois dépasser ta limite. Mais du coup, tu dépasses pas ta limite si t'en restes 4. C'est bon. Pardon ? Je ne sais pas quelle est ma limite. Non, mais il a pas de limite, lui. Tu viens de dire qu'il te reste 4 points de vie. En fait, mon coach, par exemple, j'ai pas de limite, tu as 8 points sur 12. Donc, ça veut dire qu'à 12, si tu reprends encore, si tu repères un point d'une manière ou d'une autre, tu t'écrouleras. Et trop tard, et vous utilisez des chiffres. Donc alors, tu peux dépenser, tu peux 5 points, mais si tu le fais, à la fin du round, tu t'écrouleras. Ah, il m'en reste 5, il semblait qu'il m'en restait que 4. Oui, c'est ça, justement. En fait, le cinquième, ça, vachement, c'est ça qui va dépasser ta limite. Et c'est ça qui fait que tu vas t'écrouler. Oui, mais donc, là, on... Donc tu pourrais utiliser les 4 qui me restent et je reste... C'est comme ton compte à découvert. Si il te reste 4€ et que tu dépenses 4€, t'es pas à découvert. Même si t'as plus d'argent. C'est seulement le premier euro en plus qui fera que bon bah là tu seras découvert et que ta banque... Bah fait 4 alors. Bon. Ok, Thoric, t'as fait un joli jet. Oui. C'est beau ça. Oh, J'ai fait l'impossible. Aida qui rentre également en mode berserker. 3 déclencheurs sur 3 dés. Une chance sur 256. Aida est sataniste. Je dis peut-être de la merde, mais de souvenir, c'est ça. Ouais, c'est une chance, enfin, genre, c'est tellement impossible en réaction. Oui, c'est ça, je crois que c'est une chance sur deux. Attends. 6 x 6 x 6. Moi, je trouve ça trop dur. Quand attends, il est 3h du mat, c'est trop tard pour le calcul. Une chance sur 216. Putain, une chance sur 2. Oh là là, une mais chance c'est 216 de faire ce résultat. Sérieux, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, on fait des beaux jets là. Oh là là, oh là là, oh là là, il y a du beau jeu. Alors, on va tester du côté du dernier ennemi. Et d'ailleurs, Torix, c'est seulement à ce moment-là que tu remarques les marques sur le corps de l'ennemi qui reste. Et tu comprends qu'ils ont été complètement asservis par le féromancien qui se trouve devant vous. Les féromanciens sont les, en physiquement parlant, les Homo de Genesis les plus faibles. Mais ils ont cet avantage incroyable de pouvoir former des véritables cités autour d'eux. D'accord. Donc il les contrôle quoi, quelque part. Exact. Trois réussites, dont un déclencheur pour notre ami, dernier survivant. Et on va ensuite pouvoir jouer le féromancien. Pour l'instant, on joue tous avant lui. Ouais, pour l'instant, on joue tous avant lui. Mais il reste le féromancien. Mais les féromanciens jouent légèrement différemment, puisque eux, ils ont une réserve de points de sporulation qui ne leur est pas négatif, puisqu'ils la dépensent à la place des points d'ego. Le mien en a 12, il va donc dépenser 3 points. Ce qui lui fait une initiative à 8. Je viens de faire 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Pour le féromancien. D'accord. Féromancien, et je vais créer un nouvel ordre juste en dessous. Le premier à jouer sera donc Mokosh. Fois 3. Fois 2 seulement. Oui. Je l'ai juste ça comme si c'était mauvais. Suivi. Faut te lâcher, Mokosh. Faut te lâcher, Mokosh. Fois 2 également. De Torik et Ada. Et enfin, le soldat Custus. Et nous, on est tous les deux fois 2. Torik et Ada. Oui, on est tous les deux fois 2, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Ah, il a un nom, celui-là. Ouais, Custus. Mais non, je me suis dit que ABCD, machin, j'aurais toujours trouvé des prénoms pour la lettre qui est définie. Ça permettrait de la définir un peu mieux. Très bien. Mokosh! Eh bien, oui, comme d'habitude, c'est peut-être un Mokosh que je vais commencer. J'ai 4 dégâts, sauf que j'ai 2 de moins. Je vais donner l'arme. Ok. J'en profite également pour vous préciser que l'essaim qui s'est un peu répandu autour de la pièce désormais est sur vous tous. Même si vous n'allez pas en subir les effets parce qu'il s'est dispersé. Vous sentez ces bestioles vous agripper les cuirs chevelus et vous mordre, éventuellement pondre à l'intérieur de vous. Alors évidemment il ne s'agit que d'insectes, hein. Des œufs de poux, c'est pas ou de, enfin des lentes, c'est pas ça qui va vous tuer. Mais tout de même. Ouais, il faudra bien. La sporulation est en marche. Du coup, il t'attaque ? Oui, j'attaque, et le féromancien, j'attaque. D'accord, très bien. Le féromancien qui se défend avec... je vais me défendre activement. Il va tenter d'esquiver, et j'ai le droit à 6 dés. Oh. Bon, bah il va esquiver. Ah non, 6 dés. J'ai fait 3 réussites. Mais voilà, c'est bon, t'as réussi. Non mais attends, je sais pas comment on a le point de vie. Parce que là, au tour prochain, j'ai plus d'ego. Très bien. Tu fais un résultat donc avec 2 déclencheurs. Ce qui fait 8 plus 2, 10 dégâts. T'arrives. Tu lui donnes un énorme coup d'espadon. Tu vois son bras qui tombe au sol. Oh, c'est super fragile en fait. Mais extrêmement fragile. Si t'as l'impression de frapper un vieillard. Ah, bah je vais enchaîner, écoute. Tu l'enchaînes ? J'ai 2 actions. Très bien. Attends, je vais faire cette déclencheur pour ça. Ah non, oh là, attends. Ça fait combien de déclencheurs? Tu peux reprendre ta dague là, ton machin là. Oui, je peux. J'ai... Eh bien, très bien, je te laisse faire ta deuxième attaque. J'ai énormément de retard, toutes mes capacités motrices sont en train de mourir. Attends. Ça, donc après. Là, il y a tous les trucs de l'eau, donc je perds deux. Ok, c'est ça. Deux réussites cette fois. Malheureusement, ça ne passe pas sa défense passive. Bon, bah ça m'a réussi qu'une seule fois. Et c'est à son tour de jouer, il n'a plus qu'une action. Le phéromancien va donc pouvoir utiliser une de ses attaques. Lorsqu'ils attaquent, les phéromanciens activent des espèces de pouvoirs et ce qu'on appelle des phénomènes. Les phénomènes ont chacun, en fonction de leur puissance, un coût, enfin une valeur. Et simplement, je vais faire un jet de dés avec les points de sporulation qui me restent. J'en avais dépensé 3. Il m'en reste donc 9. Et si j'arrive à atteindre le résultat obtenu, enfin le seuil demandé, j'arriverai à activer mon phénomène. C'est le moment où on croit. Et je vais utiliser l'unité qui est un phénomène de niveau 4 en jetant 9 dés. Oh merde. 3 réussites seulement pour l'instant, mais il me reste 3 dés à lancer. Ça marche, pardon. Le phéromancien se dirige vers l'un d'entre vous. Ce qui va être Mokosh. Tu sens les phéromones propagés, entre autres par les insectes ici présents, qui commencent à prendre le contrôle de ton esprit. Soudain, tout t'as l'air beaucoup plus relatif. Le bien, le mal, le camp dans lequel tu veux te battre. Tu sens que le phéromancien t'inspire confiance et dévotion. Alors, tu lâcheras ton espadon au sol. Et si tu avais eu l'occasion de combattre à nouveau ce tour-ci, ça n'aurait pas été dans le même camp. Également, si jamais le combat avait pu durer un peu plus longtemps pour toi, tu aurais eu le droit à chacun de tes tours de tenter un jet de dés pour te défaire de ce pouvoir. Un simple test de psyché, foi ou volonté. En l'occurrence, vous observez Mokosh qui se retourne dans votre direction. Comme si elle allait vous sauter dessus. Malgré tout, le phéromancien vient de jouer. Toric, tu as le droit à 2 actions. Alors là, du coup. Et Ada, et vous jouez en même temps, autant pour moi. Oui. L'action qui va arriver ici se déroulera en même temps. Du coup, moi, étant donné que j'étais le plus proche au départ du phéromancien. Donc je vais l'attaquer tout de suite. Alors là du coup j'ai combien de malus ou de bonus ou de je sais pas quoi. Pardon, tu as le droit. C'est quoi mes bonus, c'est quoi mes malus? Très bien. J'ai pas dépensé combien de points d'ego. J'ai pas de points d'ego. J'ai rien. T'as pas dépensé de points d'ego. Non. Donc tu n'as pas de bonus et tu n'as pas de malus. Alors tu as un malus simplement de 1 avec ton arme. Ouais. Puisqu'elle a une maniabilité de moins. C'est tout. Donc je lance 4 dés. C'est ça. Tu as 4 encore. Tu as 5 encore, moins 1, 4. Donc sur lui, je fais 2 réussites de déclencheur. 2 réussites. 2 déclencheurs. 2 déclencheurs. Alors malheureusement, l'attaque ne blesse pas. Bah je refais une deuxième fois. Très bien, je te laisse refaire. Ah si, attends. Excuse-moi, est-ce que tu te rappelles si tu avais réussi à réutiliser ton potentiel au tour d'avant? Qui donnait plus 1 de manipulation. Bah oui, parce que j'avais planté, j'avais découpé la meuf en deux. Avec... Oui, c'est vrai. Et bien, dans ce cas-là, je t'autorise à rejeter pour le coup d'avant. Si tu fais une réussite, l'attaque passe. Oh putain. Oui, c'est bon. Yes. Combien? Ouais. 4. Enfin, j'ai fait une réussite, j'ai juste relancé un dé supplémentaire. Pour l'instant, on va rester sur la première action. Et comme ça, vous allez faire tous les deux vos premières actions en même temps. Okay. Donc, tu auras 3 réussites et 2 déclencheurs. Du coup, tu peux utiliser un de tes potentiels. Est-ce que tu réutilises le même qui augmente ta défense et ta maniabilité? Ou est-ce que tu choisis d'utiliser celui qui permet de faire plus de dégâts? Ah, faire plus de dégâts. Ok, d'accord. Donc, on annule les 2 dégâts en plus et tu lances un dé. Si tu fais 1, du coup, tu auras fait en tout 1 dégât en moins que prévu. Ouais. Si tu fais 2, autant que prévu. Mais au-delà, tu feras des dégâts supplémentaires. Allez, c'est le moment de faire un 6. Ah, j'ai fait 2. Pareil. Bon, bah, ça ne change rien. Okay. Tu feras ta force 4 plus ta force divisée par 3. Ce qui fait. Qui fait 6. 7, 8. Pendant ce temps-là, Ada. Donc les deux actions vont se dérouler en même temps, donc pour l'instant Tauric ne s'est pas encore élancé pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, j'anime. Animé pareil par ta foudroyante. Je pensais terminer l'apocalyptique Custus. Très bien. Tu n'es pas blessé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas blessé. Oui, mais justement, enfin. J'ai deux actions. Oui, non, je me souviens, ok, pas de soucis. Pour l'éliminer de la partie, quoi, si tu préfères. Je vois. Je me dis, genre, ça sera plus facile si on élimine. Et puis, genre, j'ai une dernière action à faire. Et de mon point de vue, le vieux romancien m'a l'air un peu chaud. Et quitte avant. Je sais que je suis rendu ici mes dernières ressources, donc je préfère être sûr qu'il y aura un bon résultat à la fin. Très bien, donc tu attaques Custus? C'est ça. Très bien, je vais me défendre activement. Ok. Bah, j'y vais à la masse. Hein. Très bien. Vas-y. Tu veux dépenser des points d'ego? Oui, 2 du coup. Enfin, 1, non, 1, pas 2. J'ai toujours les malus, donc normalement. Ouais, c'est pas un super jet, c'est vrai. 2, 3, 4. Ah, c'est toujours ça. Tu nous refais le même là, le 3-6, c'est bon. Voilà, ça fait du coup 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Oh, ça passe. J'ai fait 2 réussites, pardon, dont 1 déclencheur. Annonce-moi le résultat. Alors, donc, dont 2 déclencheurs. Ouais, donc je rajoute 2 dégâts. La masse fait 8 dégâts, si je dis pas de bêtises. Mais il est mort là, de 10, il a pas encore été blessé, Custus. Oui. Ouais. Et c'est pas grave. Custus perd donc 9 points de vie. Ok. Il va commencer à rentrer dans ses malus. Mince. Et c'est là que je veux intervenir avec mon petit poignard, tu vois. Brosse les poignards. Ouais. Parfaitement. Donc il donne un bonus de plus de dés. Ok, ce qui annule en plus un peu des malus que j'ai. Si on me fait lancer un dé de plus. La musique que j'écoute en ce moment est beaucoup trop épique. Ada s'élance donc sur Custus, après lui avoir asséné un sale coup de masse dans la gueule. Ah, il est mort. Oh. En plus, il est obligé de se défendre passivement. Tu refais une attaque, et donc en plus, tu as ta régularité qui s'active. C'est ça, c'est ce que j'essayais de dire. Ouais. Attends, je sais pas si c'est débutant en montant. T'inquiète. Ah non, t'entendais pas. D'accord, oh, parfait, j'adore parler dans le vide. Pas de soucis. Donc, 3, 6 divisé par 3, donc 2, plus 2, 4 dégâts, moins 1, il perd 3 en plus, et tu pourrais attaquer avec un malus de 2. Ok, et c'est il est pas mort? Il est pas encore mort. Putain, fais chier. Mais clairement, il est pas bien. Il jettera 2 dés pour chaque action. Il Bah du coup, je vais faire la dernière attaque, quoi. Je vous laisse la faire. Ok. Ada qui est... Putain, vous êtes tous aux portes de la mort, c'est incroyable. Wouah. Eh. en vrai, je nique les probabilités. T'as quoi, t'as fait 3 6 encore ? Je nique les probabilités. Oh, il est mort, je suis c'est bon, les probabilités. Mais encore une chance sur 216 de le refaire. Oh, non, pas. En vrai, Deathlog, attends, soit tu fais des jets grave nuls, soit tu fais des jets trop bien de Deathlog. Il n'y a pas d'entre deux. Dans tous les cas, c'est le jeu, c'est le jeu. Ah non, mais moi je suis content parce qu'au moins j'aurais pas l'impression de tomber pour rien. Si ça passe, tu peux réattaquer avec un malus de moins 2D, donc tu peux jeter un dé sur prête. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas nécessaire parce que là il meurt cette fois-ci. Donc là j'ai le droit maintenant de jouer au cas où, sur Custus. Au cas où j'ai fait 4 sur le dernier niveau. Qu'il enchaîne et qu'il explose au sol. C'est une boucherie. Et pendant ce temps-là, Torik, toi tu avais réussi ton coup. Ouais. Et il a pris 8 de dégâts, je crois, c'est ça. 8 de dégâts en plus. Ouais. Sachant qu'il avait déjà perdu 10 avec Mokosh. Ouais. Très bien. Il faut que je lance ma deuxième action. T'avais fait en plus de dégâts. Ah oui, non, tu les avais déjà jetés. Mais ça, c'était ta première action, non? Oui, c'est ma première, ouais. Tu n'en as réussi qu'une seule pour l'instant. Oui. Très bien. Donc, pendant que Aida est en train de massacrer Custus au sol, Tauric, tu t'élances vers le Féromancien. Tu le plantes comme t'as planté l'aïeul juste avant. Toute ta vie, quasiment, t'as été entraîné pour ce genre de situation. C'est la première fois ton dilacérateur sert vraiment à exploser du Féromancien, de l'aberrant. Tu vois ton mollusque complètement affolé. Taux de sporulation dans la pièce qui doit être complètement abusif. Tu le transperces de ta lame. Tu l'entends qui gémit. Et tu peux attaquer à nouveau. Il a une défense passive. Allez, c'est le moment d'en faire 3. La nuée s'apprête à se relancer sur toi à nouveau. Afin de te donner un malus, malheureusement pour l'attaquer. Mais ton attaque arrive à bout. Bah non, j'ai fait deux réussites. Deux réussites seulement ? Ouais. Ah, malheureusement pour toi, ce n'est pas suffisant. Fin du round, le féromancien s'est fait défoncer. Mais il est là, Torik, toujours devant toi, debout. Tu vois Mokosh qui s'écroule au sol. Aida qui est en train de se vider de son sang sur le corps de son ennemi. Et d'ailleurs, Aida qui s'écroule également, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il avait dit passer de 1. Tu n'es plus de tout seul. C'est 1 contre 1 là. Face au féromancien, il est là devant toi, en train de te sourire. L'essaim, de nouveau en train de t'attaquer. Toute ta vie, Torik. Toute ta vie va se jouer là-dessus. Combien dépenses-tu pour un Evgo ? Ah, c'est déjà maximum ? Bah oui, et après, bon, j'ai ma combinaison qui a 4 succès d'office. On est bien d'accord. Quoi ? Non, j'ai le droit d'en faire, du coup. Ah oui, mais je veux pas tomber. Lui, il a tout dépensé. Il a plus de points de machin, là. On a dit. Alors lui, il lui en reste 9. Parce que c'est également... En fait, si j'utilise mes points d'ego à moi, ça va m'affaiblir. Ça diminuera mes chances de toucher, parce que je vais puiser dans sa réserve de sporulation. Donc je vais pas en dépenser. Mais tu les as pas dépensés pour activer le machin, là Oui. Enfin, non. Vas-y. Non, je te dis que tu les as pas activés pour activer l'espèce de machin qui a pris le contrôle de... C'est ça, mais à chaque tour, je vais refaire une nouvelle action. Mais en effet, bah, par exemple, si jamais là je redépense des points d'ego, donc moi mes points de spoliation, mon prochain phénomène aura moins de chances de se déclencher. Parce que du coup, j'aurai moins de dés à lancer. Oui, mais moi, si tu veux, là, j'ose pas trop parce que si j'utilise un point d'ego maintenant. Ouais. Alors, dans ce cas-là, je vais te proposer quelque chose. Oui. Parce que c'est Cordada qui est actuellement tombé au combat. Oui. Tu vois quelques bourgeons qu'on lui avait donné dans le camp. Ouais. Ils sont en train de rouler sur le sol. Mais... Oui. Ils sont qu'à quelques mètres de toi. Ouais, je les attrape. Et tu sais que. J'en ils prends. Ont comme particularité de. Tu les prends ? Oui, oui, si c'est mon dernier espoir. Si je sais okay. Bien sûr ce que c'est comme les spécificités du. Si ça peut me donner des points d'ego, je prends. Tu sais qu'un seul bourgeon ne pourra pas en effet te faire grand mal au final. Mm-hmm. Un bourgeon. Alors tu te précipites dessus. Tu t'en empares. Et tu l'inhales. Avant que le féromancien ne descende les escaliers et ne s'apprête à attaquer à nouveau. Heureusement pour voilà. Toi, ces graves blessures le ralentissent un minimum. Voilà. Jette quand même. 6. Tu perds 3 points d'ego. Enfin, tu gagnes 3 points d'ego du coup. Ah, tu m'as fait peur. je tombe par terre. Et ben je les prends immédiatement. De plus, ta force est augmentée de 3. Puisque tu viens de consommer le plus gros bourgeon du paquet. Et c'est de la gloire. Tu sens tes muscles, tu te sens pris d'une espèce de chaleur interne. Tu sens ces muscles se contracter. Et gonflé quasiment, bon même s'il les gonfle pas vraiment, mais toi t'as clairement la sensation d'être beaucoup plus puissant que tu n'es vraiment. Tout va se jouer maintenant, du coup tu dépenses 3 points d'écho j'imagine. Ah bah oui, là j'ai pas le choix, hein. Je fais tout. Hein. Et ta force est augmentée de 3, donc tu feras, donc ça sera compté dans tes dégâts. D'accord. Tes dégâts seront augmentés de force. Donc ça me fait lancer 8 dés. Mais... Mais quoi ? Le gagnant également 3 points d'espoir. Ah, tu m'as fait peur quand tu m'as dit mais. Alors, ça fait ça. Il m'en reste encore un lancé. Oui ! Alors, 5 réussites, un déclencheur. Putain, pas mal. Eh bien, mon côté, du coup. Ouais, je vais dépenser un petit point en plus. Du coup, je lance 6 dés. 3 réussites seulement, aucun déclencheur. Donc, Torik pour une action, suivi du féromancien. Alors, du coup, je lance. Eh bien, du coup, je lance. J'avais 8 dés, j'en enlève 1 parce que je prends mon dilacérateur, c'est ça ? Pardon ? Alors, j'ai 3 points d'ego à mettre. Ouais. Donc, tu attaques avec quoi ? Ton dilacérateur ? Oui, oui, voilà. Et alors, pour ma force, ça me fait. Ça m'augmente quoi alors ? Alors, du coup, je vais te faire les calculs, en effet, t'as raison. D'accord, parce que donc, je comprends. Tu tapes à, normalement, 5. Moins 1 à cause de ta maniabilité. Donc 4 plus 3 parce que t'avais pensé 3 points d'écho, donc tu tapes à 7. Ouais. Et la brûlure va augmenter tes dégâts. D'accord. Donc je lance 7 dés. Allez, c'est le moment. Oh putain, j'ai 2 réussites. Combien de réussites ? 2 réussites, putain. Sur 7 dés ? Sur 7 dés, j'ai fait 2 réussites, ouais. Oh non, c'est trop triste. Eh bien écoute, de mon côté, je vais tenter de te corrompre. Ah, t'étais en passif ? T'étais en passif, toi ? J'étais en passif, ouais. Oh, sur une action, je reste en passif. Le féromancien descend les escaliers. Et comme pour Mokosh, il tend le bras vers toi. Ah merde, par contre, j'ai du traumatisme. Fais chier. Ouais, j'ai ouais. Bah, il fallait que je m'y attende. Heureusement pour toi, il est beaucoup trop faible. Tu le vois, il essaye de. Il te parle, tu comprends ce qu'il te dit à travers. Les bourdonnements de l'essence, tu comprends tout ce qu'il dit, mais. Tu vois, il est pitoyable, il est là, démembré devant toi, en train de. Tenter de faire. Quoi que ce soit. ton attaque échoue. Il donc faudra il malheureusement te tuer. Dernier tour, hein, Torik. Allez. J'ai l'initiative. Bah, je suis à 5. Hein. Je suis à 5 aussi. Je ne dépense pas de points. Deux réussites, un déclencheur. Trois réussites, un déclencheur. Ok, tu joues avant lui. Chacun une action. Tu veux retenter d'attaquer? Ah bah oui. Non, allez, c'est le moment. À 4D seulement. À 4D seulement, c'est pas grave. De toute façon, faut bien y aller. 3 réussites, un déclencheur. Et tu m'as pas dit si tu faisais. Ah ouais. Tu sors ta lame. Tu lui plantes dans la bouche. Yeah, tu t'approches de la manivelle. T'es là, au milieu de tous tes potes. Enfin, tous tes camarades qui sont là au sol. T'es fini, c'était ta dernière chance. T'approches ta main de la lame. Et en un sec mouvement de ton bras, tu l'enclenches. Et tu vois sa tête qui se sectionne en deux devant tes yeux. Et le haut de son crâne qui glisse petit à petit et qui tombe à ses pieds. Suivi de son corps. Et là, moi, je tombe sur les genoux d'épuisement. Je tombe d'épuisement sur les genoux. Très bien. Donc oui, du coup, le temps passé au sein de l'essaim vous fera gagner chacun un point d'ego, un point de sport. Hein. C'est bon. Oh, on gagne de l'ego, c'est un point de sport supplémentaire à chacun. Ouais. Torik, t'es là, au milieu de tes camarades. Vous êtes enfermé dans la salle principale. T'as plus aucune force pour faire quoi que ce soit. Tu vois Mokosh qui est allongé au sol, ainsi que Eda. Tu passeras les quelques instants qui suivront à essayer de panser leurs blessures. Autant que tu peux. De les stabiliser. Dehors, tu entendras la bataille commencer à faire rage au bout d'un moment. Tu comprends que les spitaliers se sont mis à attaquer le camp. Sans chef et sans leur précieux phéromancien, tu sais que la nuée a déjà perdu d'avance. Au bout d'un moment, t'entendras des gens toquer à la porte. Mais pas dans l'objectif de rentrer, dans le sens du fait de toquer amicalement, mais des gens en panique qui essaient de fuir les spitaliers qui doivent être à l'intérieur du camp actuellement. Est-ce que tu aurais, par bonté d'âme, la présence de leur ouvrir la porte? J'ai plus de force. Je peux plus aller jusqu'à la porte. Très et puis bien. Je sais pas en soi ce qu'il y a de l'autre côté. En effet. Voilà. Petit à petit, les bruits contre la porte se feront de plus en plus faibles. Jusqu'à ce que finalement, tu commences à entendre une voix amicale de l'autre côté. Le docteur Falz et le commissaire Pryl, qui, plusieurs heures après la fin de votre combat, vous récupéreront et vous escorteront tous les trois jusqu'à votre camp. Ah. Ada et Mokosh, même si vous étiez écroulés, vous avez bien vu tout ce qui s'est passé après que vous soyez laissé. Voilà, pardon. Après que vous vous soyez laissé tomber. Vous êtes chacun dans un sale état. Et il va vous falloir clairement des semaines pour vous en remettre. Autant physiquement que mentalement. Si je regarde parmi vous, vous étiez tous, quasiment, si c'est même pas tous, Ada mourait en deux coups, enfin en deux dégâts, donc deux déclencheurs supplémentaires sur un jet d'attaque. Mokosh, elle, est écroulée de fatigue. Et Torik, c'est quasiment le seul à avoir tenu, mais également, toi, t'étais à 10 points d'ego sur 10 points d'ego. D'ailleurs, Torik, tu te trouves à 6 points, enfin 4 points de sport sur 6. Ce qui fait que le jour où tu te réveilleras à l'hôpital, tu verras des symboles, des mandalas qui parcourent ton corps, qui se sont formés au niveau de ta peau. Comme des brûlures ou des espèces de marques comme des boutons ou des choses comme ça, tu vois. Mmh. Heureusement pour toi, suite aux différents traitements que tu vas subir, ces derniers vont complètement s'estomper. Phew. Mais c'était ça ou la mort. Ouais. Toi, Mokosh, il te faudra quelques instants au moment où tu te réveilles pour essayer de te rappeler dans quel camp t'es vraiment. Et c'est vraiment étrange cette manière dont tout à coup le monde t'est paru différent. De ton côté, Ada, tu peux vraiment considérer t'être racheté auprès de l'hôpital, entre autres. T'as failli laisser ta vie. T'es clairement, de tous, celui qui a le plus subi pendant le combat. Mais bon, en la mémoire d'Abby, vous avez tous œuvré comme vous le pouvez. Maintenant, vos actes auront des conséquences. Positifs. Notamment pour votre réputation. Mais ça, je pense qu'on pourra voir une prochaine fois. Puisque c'est ainsi que nous allons clore ce premier arc de Dead Genesis.